as God will see, he back. He must come here for father. Come to father, the hand of God, please. Écoutons le témoignage qui est parti du peuple de Dieu. Quand le Seigneur dit au verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Subitement, au verset 4, on entend, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuit du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Il dit bien la piété, mais il décrit la manière dont cette piété-là se présente. Après une bonne promesse, subitement, change de ton dit que te ferai-je, Ephraïm? Pourquoi se pose toutes ces questions? C'est parce que, étant le peuple de Dieu, Israël, notamment une partie d'Israël, on appelle ici la tribu de Juda et la tribu d'Ephraïm, se retrouvaient en train de vivre une sorte de religion. Ils ont hérité du Père, ils ont hérité des prophètes à partir de Moïse, la loi, la manière dont il fallait servir le Seigneur. Mais il se trouve maintenant que la vie qui accompagne, la vie qui soutient ou qui sous-tend les commandements que le Seigneur a prescrit par ses serviteurs, en commençant par Moïse, cette vie-là n'existait plus. On était réduit à une forme de religion, de mimétisme, de répétition, de forme extérieure. C'est pour ça que le ton du Seigneur peut monter brutalement. Il dit, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuit du matin. Imaginons-nous un peuple de Dieu et voir en quoi ça consiste, pourquoi le temps peut être aussi sévère de la part du Seigneur. Parce qu'après avoir posé cette question, il dit, c'est pourquoi au verset 5, il dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes et je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Au départ, on ne peut pas comprendre pourquoi ça peut être aussi sévère. Quand Dieu promet, il dit qu'il va les tuer. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Samedi dernier, on a lu Jérémie chapitre 28 pour voir un exemple patent. Comment Dieu a, par la bouche de son serviteur Jérémie, tué celui-là qui venait annoncer de fausses prophéties, fait nourrir de faux espoirs au milieu du peuple. Pendant que Jérémie est là, avec le joug sur le cou de bois, pour montrer comment la captivité du peuple qui avait désobéi au Seigneur, comment la captivité devait durer le temps que le Seigneur avait annoncé, ça veut dire 70 ans. Le faux prophète Ananias vient lui, il dit que en tel nombre de temps, il va briser. Que dit le prophète en ce moment? Il dit que voici la parole du Seigneur. À la place de ce joug de bois qu'Ananias a cassé, il va remplacer par un joug de fer. Ça veut dire que la servitude va être encore atroce. Et pour conclure le chapitre, la Bible nous dit, le Seigneur parle par la bouche de son serviteur Jérémie et il prononce déjà que Ananias va mourir au cours de cette année. Et en disant, effectivement, ce dernier verset, la Bible nous dit qu'il est effectivement mort cette année. Il est mort. Le Seigneur nous dit cela que c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. On a également pris l'exemple de Actes chapitre 5, où un couple dans une église dans laquelle s'est déployé le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, en entendant Ananias mentir sur le prix de vente de son champ, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il réussit à mentir au Saint-Esprit? En entendant cette parole, il expira. Écoutons bien le verset 5. Il dit que c'est pourquoi je les frapperai, je les tuerai. Donc Dieu tue. Il utilise cela pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans la logique de Deutéronome chapitre 6, dès le verset 1 jusqu'au verset, pratiquement tout le chapitre, il dit que écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et cela, ce n'était plus le cas. C'était la pure religion. Le Seigneur nous dit donc dans ce passage qu'il n'a que faire, que la religion attire plutôt sa colère. Et pour voir pourquoi la chose était bien grave à ce niveau, pour qu'il puisse prononcer des sanctions aussi terribles, lisons le verset 9. Au verset 9, il est écrit. Commençons même à partir du verset 7. Il est écrit au chapitre 6 d'Osée, à partir du verset 7. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Comment? Verset 8. Galate est une ville de malfaiteurs. Écoutons le peuple de Dieu qui religieusement se lève chaque mercredi soir vers 18h pour se diriger à Maccabée. Je prends l'exemple. Qui chaque samedi dans l'après-midi se réunit. Ici, par mégarde, on se retrouve en train d'être dans la catégorie de ce qu'on peut qualifier de malfaiteur. Dieu est en train de dire que la piété de telle personne est comme la rosée qui bientôt se dissipe. Galate est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. En disant ça, on peut comprendre pourquoi c'est un peu dit, je les frapperai, je les tuerai. Parce que la religion, le mimétisme, parce que cette pratique a pris la place du service du Seigneur avec le cœur. Ça devrait nous enseigner. Verset 9, là c'est la catastrophe. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade. Au Seigneur, ça devrait être effrayant quand on lit ça. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Bien aimé, en lisant un verset comme celui-là, on peut se poser la question de savoir comment, après avoir reçu de Dieu, à travers ses prophètes, la loi, après avoir reçu un engagement de la part des sacrificateurs, après avoir été fidèle, après avoir vu Dieu à l'œuvre, permettre que les murs de Jéricho tombent miraculeusement, après qu'on ait traversé le Jourdain à sec, et pour ceux qui ont vécu l'épisode de la mer Rouge, après avoir vu Dieu à l'œuvre, une fois entré dans un pays où on combat et on remporte des grandes victoires devant un peuple constitué des géants, après avoir mangé de bons fruits, on se retrouve subitement en train de descendre aussi bas. Un peuple qui a vu Dieu à l'œuvre. La chose la plus grave étant ce verset, nous avons dit que la troupe des sacrificateurs, ceux-là qui sont supposés être le modèle, on dit que la troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats. Alors en lisant ça, on peut donner mille fois raison à Dieu dans ce qu'il déclare au verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Frère Yannick, est-ce que le Seigneur n'a pas raison quand il prend de telles sanctions? Si le sacrificateur peut se retrouver en train de se tenir en embuscade pour tuer, la sanction divine était excessive. Si le sacrificateur peut descendre jusqu'à ce niveau, c'est pour que qui puisse restaurer la volonté de Dieu. Si ceux-là qui sont supposés être le modèle peuvent se transformer, se nier en criminel, est-ce que Dieu, en disant que c'est pourquoi il est tiré par les paroles de ma bouche, est-ce que sa sanction est excessive, frère? Si déjà les sacrificateurs se retrouvent en train d'être mêlés à des actions criminelles, on peut comprendre pourquoi Dieu a décidé de prendre cette sanction de 70 ans de captivité. Jusque dans le livre de Deutéronome 28, la Bible nous enseigne que quand ils vont être battus par des peuples étrangers et qu'ils iront là-bas, quand ils iront dans ce pays, quand ils auront su ce que servit les dieux étrangers, si de là, ils rentrent en eux-mêmes de tout leur cœur et qu'ils s'implorent la grâce de Dieu en tournant leurs yeux en direction du pays que le Seigneur leur a donné. Mais la maison qui a été bâtie en son honneur, qui va les exaucer des cieux. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats. Quand on se retrouve à ce niveau, si Dieu lui-même laisse, c'est pour qu'on aille. C'est pour que qui restaure. S'il faut que Dieu continue d'être patient, dans ce cas-là, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? La piété d'Ephraïm et la piété de Juda est comme la nuit du matin. On peut conserver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La régularité aux réunions. Mais est-ce que la vie est là où est-ce qu'on a le cœur qui soupire? Alors nous remarquerons quelque chose où le prophète est en train de nous orienter. Au verset 3, il dit connaissons. Après, il précise cherchons à connaître l'Éternel. Frère, s'il te plaît, lis pour nous Jérémie chapitre 29, le verset 13. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Autrement dit, si dans un contexte comme celui-ci où l'Église a perdu les repères, si dans un contexte où on trouve des sacrificateurs qui se mettent en embuscade, des sacrificateurs qui se convertissent en brigands, en voleurs, agressifs. Le prophète en train de dire cela, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. De quelle manière? Comme il est dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. La promesse que le Seigneur a faite. Que si on dit que vous vous m'invoquerez et vous partirez. Au verset 13, il précise, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que dans un contexte de décadence, il y a une attitude à adopter. Une attitude de prière inlassable. Il y a un chant qui est téléchargé sur le net. S'il te plaît, amène l'enfant de l'autre côté. La prière inlassable. L'enfant en train de perturber la réunion, s'il te plaît, amène-le de l'autre côté. Je crois qu'elle va nous charger de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on l'a fait passer. Il perturbe la réunion, ma soeur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, nous compris le sens dans lequel le prophète Osée est en train de nous enseigner ce soir. Quand on peut arriver à une époque où on entend les scandales du Jab de Vendée la semaine passée, où on est venu sceller une assemblée là-bas d'Orbassi parce que le pasteur des lieux aurait embrossé une dizaine de femmes, parmi lesquelles les femmes mariées. Quand on entend les phénomènes selon lesquels des personnes avalent les bagues pour manifester la puissance, des personnes qui n'ont même pas pitié des veuves, qui au lieu de venir accomplir ce qui est enseigné dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6 c'est autant pour moi, au lieu d'être des personnes qui viennent consoler et aider les veuves, ils se présentent plutôt comme des voraces, des escrocs pour racler le moindre centime. Quand on est dans un contexte comme celui-là, comprenons que Dieu a son bâton de jugement qu'il lève. Pendant qu'il menace de châtier, de tuer, de juger des personnes qui commettent de telles choses, au nom de Dieu, et une attitude pour ceux-là qui veulent être sérieux avec le Seigneur. 1. Il faut engager tout son cœur. Deuxièmement, il faut passer à l'œuvre par pas des prières persévérantes jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et ça, on va tout revenir dans ce livre d'Osée au chapitre 10, le verset 12, que nous avons déjà lu ici à plusieurs reprises et qui devrait être une boussole pour nous. Jusqu'à ce que le Seigneur répande sa grâce sur nous, jusqu'à ce que le Seigneur répande son esprit sur nous, jusqu'à ce qu'il nous équipe. Lisons toujours pour notre édification de cet Osée 10 au verset 12. Frère William, tu peux lire pour nous. Osée 10, verset 12. Osée 10, verset 12. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Amen. Dans un contexte où les scandales se multiplient de plus en plus, tant dans le monde que dans le milieu du chrétien, le Seigneur nous recommande cette attitude. Dans un contexte comme celui-là, la Bible nous dit qu'il faut rechercher le Seigneur. Rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il se trouve. C'est le langage de la persévérance qui est décrit ici. Si on se réunit et qu'on a dit qu'on prie pour le Cameroun, on ne voit rien. comme Ézéchiel, il y a un chant que j'écoute à la maison. Il y a une personne qui dit qu'il faut prier, car Dieu exauce les prières. Il faut prier, prier, prier sans se lasser. Même 2 ans, s'il exauce, il faut prier. 10 ans, il faut prier. 20 ans. Si on a commencé à prier ici, je crois que la question qui importe le plus, c'est de regarder ce Jérémie chapitre 29, verset 13, la fin. Il dit de le chercher de tout son cœur. De tout son cœur. Ça veut dire qu'il faut vérifier l'état de notre cœur. Vérifier les motivations de notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le cherche parce qu'on veut accomplir parfaitement sa volonté? Même si c'est désagréable pour notre chair. Est-ce qu'on le cherche parce qu'on veut être un fidèle serviteur? Est-ce qu'on le cherche parce qu'on veut accomplir parfaitement ce qu'il attend de nous? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'entièreté du cœur. L'entièreté du cœur, ça revient. On a trouvé ça dans ce dernier chapitre 9. Dans Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Où il dit maintenant, revenez au Seigneur de tout votre cœur avec des pleurs, des lamentations, des jeûnes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le prophète Jérémie nous dit ici de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Alors, quand les scandales se multiplient, quand l'Église ne manifeste plus la vie d'antan que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que le prophète nous donne comme exhortation ce à quoi il nous appelle. C'est de pouvoir chercher le Seigneur. Chercher de tout notre cœur. Sachant que si on persévère, si quelqu'un se contente d'une piété de façade, par la même occasion, lui-même, il est en train d'attirer les jugements de Dieu sur lui. Il attire les jugements de Dieu sur lui. Ça veut dire que Dieu lui-même, du haut de son trône, au lieu de se lever pour faire grâce, au lieu de se lever pour exaucer après une telle personne, il envoie plutôt des paroles de prophétie pour tuer, pour frapper. En lisant les telles paroles, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est le temps de Père Céleste qu'on lit dans la parole à certains endroits? Est-ce que c'est le Dieu miséricordieux, riche en bonté et en fidélité qu'on lit souvent? C'est le même Dieu. C'est exactement le même Dieu qui a horreur d'un service en partie, qui a horreur d'un service de façade. Alors, ce qui importe pour nous et par lequel je vais conclure cette exhortation, c'est que nous devons vérifier si actuellement nous sommes en train de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Ce n'est pas le cas, sachant que nous sommes exposés. Si c'est le cas, il y a lieu de persévérer. Amen. Prions. Baissons la tête, prions. Et que Dieu vous bénisse. Tendre Père, merci pour ces moments que tu nous accordes d'être dans ta présence. Et merci pour toutes ces paroles que tu diriges dans nos cœurs pour restaurer nos vies et nous diriger dans les sentiers de la justice. Donne-nous d'en saisir le sens, mais non seulement d'en saisir, mais de vivre également pleinement selon ta volonté. Dans nos démarches droit devant toi, Père. Seigneur, c'est toi seul qui as le jugement. Tu peux, ô Dieu de gloire, conduire nos pieds et rétrécir, Père de gloire, le chemin encore qui est déjà resserré. Donne-nous de marcher sur ce chemin-là que tu as tracé. Et si nous nous dévions à quelques moments que ce soit, Père, d'aide nous y conduire et nous y ramener. Car tu ne veux pas que des genoux qui fléchissent de gauche à droite, mais que nous marchions droitement en suivant le Seigneur Jésus. Donne-nous de demeurer ferme dans cette voie que tu as accordée pour nous une fois pour toutes en notre bien-aimé Christ Jésus. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Nous prions, Père de gloire, que tu nous diriges selon ta volonté et puisse notre vie soit restaurée, purifiée et épurée au nom du Seigneur Jésus-Christ et que son peuple dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va? veuillez vous saluer seulement à gauche, à droite. Si vous êtes assis un peu loin comme le frère, veuillez vous saluer la porte. Saluez devant, derrière. Ok, notez. La dernière fois, nous avons fait la deuxième partie de ceux qui gouvernaient par la parole, n'est-ce pas? Il était question qu'on continue encore. Mais je crois que c'est bien d'assimiler d'abord, avant qu'on continue dans la troisième partie. Parce que la troisième partie, on va entrer beaucoup plus loin. Mais en attendant, vous vous souvenez, quand je parlais de... Lorsque nous voyons celles-ci gouvernées par la parole, nous avons vu ça en septembre ou en novembre 2017. Et pendant qu'on voyait cela, j'avais parlé des attaques dans les camps militaires, les positions militaires. Vous vous souvenez qu'il y aura les attaques dans les positions militaires. Et la deuxième chose, j'ai vu ainsi les groupes, des lieux où on réunit les enfants. Je ne sais pas si c'est l'orphelinat. Et puis les personnes qui sont là-bas sont de faire l'initiation. Ce sont des... Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et il dit que ce groupe de personnes se sont en relation avec l'Italie. L'Italie. Ok. Notez Esaïe, le livre du prophète Esaïe, chapitre 26. Oui, chaque fois, parce que vous ne réécoutez pas chaque fois, ici, vous oubliez seulement de venir chaque fois pour dire, vous vous souvenez que j'ai dit telle chose. Or, il dit, j'ai regardé l'attaque. Les gens, ils ont attaqué les positions militaires. Ces pays. Et la dernière fois ici, j'ai parlé du football. Qu'on suppose qu'on surveille le football. Parce que j'ai vu les gens jouer. Subitement, les gens ont enlevé leur maillot. C'est écrit là. Ah, ces pays ici. Où est-ce que ça ne nous dirige. Notez donc Esaïe chapitre 26. Donc, prions pour le Cameroun. Des foyers. Donc maintenant, bientôt, ça va éclater. Maintenant, écoutez maintenant, notez, avant que vous notez les versets là maintenant. Surveillez la ville dans le Noun. Le département, vous appelez le Noun. D'accord? Le Noun. Des contestations qui dégénèrent au point où il y a les morts dans les rues, au point où il y a même le couvre-feu. Le Noun. Le département du Noun. Ça, dans la province, dans la région de l'Ouest, n'est-ce pas? Cette région, cette zone-là, il y a une étincelle qui va jaillir là-bas. Ça, c'est la contestation. Qu'est-ce qui amène cette contestation-ci? Le Noun. Le Noun. Contestation. Il y a une contestation qui va naître dans le Noun. Le Noun. Donc, pourquoi je suis en train de regarder, je vous avais parlé qu'il y a les spots qui vont s'élever au fur et à mesure. Le pourquoi il dit ici, c'est parce que cette contestation risque d'embraser tout l'Ouest. Tout l'Ouest. Donc, il faut qu'on surveille cette zone-là. Donc, il faut prier. Les gens essaient de susciter des choses ici. On attaque ici. On prie, ça baisse. On prie ici, ça baisse. On prie là, ça baisse. On prie pour le pays. On prie pour le pays. Et maintenant, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la nouvelle, qu'il y a une nouvelle qui arrive. Cette chose-ci arrive entre vendredi, samedi et dimanche, les trois jours-là. Donc, ce que je suis en train de parler, ça se passe dans ces trois jours-ci que je viens de citer. J'ai ajouté donc maintenant un plus à cela. Vendredi, samedi, dimanche, quand ça arrive, vous savez que oui, voici une nouvelle. Et puis là, il y a une pause craintive. Vous voyez comment je parle clairement, n'est-ce pas, frère Donatien? Ça, c'est clair. Vous entendez ce langage-là? Une pause craintive. Quoi que ces jeunes gens se sont en train de jouer pendant qu'on en parle de ces choses qui les concernent. Pendant que le frère Bondolassé parlait, je regardais ceux-ci comme ça, il disait dans mon cœur que Seigneur, quel pays on va les laisser? Regardez, là, ils sont là, ils jouent ça parce qu'ils les attendent là-devant. Donc, surveillez, ça c'est la partie ouest du Cameroun, ça c'est l'ouest du Cameroun, le Noun. Le Noun. Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a des jeunes? Il y a des foyers de contestation là-bas. Parce qu'il y a on a des, vous savez, on a des yeux rivés sur une situation, un spot, parce qu'on a, quand on est concentré sur ça, quelque chose ne se produit de l'autre côté. En tout cas, quand ça arrive, vous savez que c'est si ça arrive d'arriver. Souvenez-vous de là où j'ai parlé, c'est le noun. Le noun. Vous avez commencé, non? Vous avez noté, n'est-ce pas? Donc la nouvelle, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est les trois jours. C'est pourquoi ils sont les dix. Parce que, bon. Ésaïe 26, notez. Ça va, Ézéchiel? Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8. Chapitre 16 aussi d'Ézéchiel. Josué. Josué chapitre 24. Le livre du prophète Osée. Le livre du prophète Osée. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je crois que je n'ai pas dit, je dois finir rapidement, puis on rentre. Ceux qui viennent tard, viennent saluer maman Véro. Ça va Samuel? Ça va bien. 1 Samuel, chapitre 2 et chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 2 et chapitre 3. Ça va? Ça va bien, bien. Donc je dis Ésaïe, chapitre 26, c'est ça, n'est-ce pas? Ézéchiel, chapitre 8 et le chapitre 16. Josué chapitre 24, c'est ça? 1 Samuel chapitre 2 et chapitre 3. C'est bon? Osée le livre. Il dit le livre du prophète Osée. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Romains. Et c'est parce que quand il donne chaque fois, il donne. Parce que j'ai constaté que quand il parle après les versets. C'est pour ça que je donne les versets et puis il commence à parler. 2 Corinthiens chapitre 7, Romains chapitre 1, les versets 18 à 30. Romains chapitre 1, verset chapitre 1, verset 18 à 30 et le chapitre 2. Daniel, chapitre 12. Père Yannick, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Le challenge de la foi, n'est-ce pas? Le challenge de la foi. Toi, tu ris, tu ris. Ok, dis-moi. Le challenge de la foi. Et comment tu dis donc que ça ne va pas? Ça ne va, ça va pas. Le challenge de la foi. Le challenge de la foi, n'est-ce pas, frère? Dieu te bénisse. C'est pas possible que tu sois en train de composer. Tu demandes à ton voisin. Si tu veux être sérieux, un homme sérieux, tu demandes à ton voisin que s'il te plaît, montre-moi ta copie. On est d'accord? Le challenge de la foi. Ta foi est ici, ça sort d'ici, ça a son expression. Donc tu as ta part de composition. Quelqu'un a sa part de. Le challenge de la foi. J'aime ma part qui est et ce qui encore arrive pour moi. D'accord? Je suis prévenu. Ma part arrive. Chacun. On ne peut pas faire 4 ans sans faire le sport. Puis vous sortez un jour, vous ne pouvez pas te courir, vous ne pouvez pas faire 100 mètres. Vous allez voir ce que ça va vous arriver. Le challenge de la foi. Le challenge de la foi. Chacun a son tour, d'accord? Donc j'espère que vous en avez pris pour le frère évêque qui va aller du côté du nord, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Il y a des cas encore qui t'attendent là-bas. Il y a des cas qui t'attendent au nord. Vous souvenez lorsque nous parlions, je crois que c'est en novembre 2017, la première partie de cet enseignement dont je parlais là, c'est de se gouverner par la parole. Je parlais de ce processus de manger le sucre et comment en sortir. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez des exemples que j'ai pris ces jours-là pour vous qui avez été là? Bon, donc parlons d'autre chose maintenant. Je vais parler de mélange hybride. Mélange hybride. Il dit, c'est ça que je vais parler. Donc, gouverner par la parole, on va voir la troisième partie une autre fois. Les grands problèmes que nous traversons, c'est à cause du mélange hybride. Oh mon Dieu. On a parlé ici des... Ah non, c'est pas ici. Oh mon Dieu. Waouh. On a parlé de corriger la foi ici. C'est ici. C'est ici. Ok, c'est ici qu'on a parlé ça. Je comprends maintenant. Ok. Waouh. Si vous prenez n'importe quoi, ou bien une eau qui est saine, qui est propre, potable, et puis vous y versez un peu de saleté, vous rendez cela homogène. Cette eau-là, est-ce qu'on peut dire que elle est potable? Non. Vous prenez n'importe quoi qui est blanc. À l'instant où vous y avez mis une tache, est-ce que c'est du blanc? Non. À cet instant-là, c'est souillé. N'est-ce pas? Le Seigneur veut une foi sans mélange. On va commencer par là. Le Seigneur veut une foi sans mélange. Maintenant. Oh mon Dieu. Vous voyez ça, je ne savais pas. Le Seigneur veut une foi sans mélange. Et on va essayer de voir dans les Saintes Écritures tout à l'heure en quoi consiste ce mélange. Parce que voilà les choses qu'il faut extirper. D'accord? Vous voyez cela? Il faut extirper ces choses-ci. Bon. Prenons. Ah mon Dieu. Waouh. Commençons donc dans le livre de Daniel. Chapitre 12, donc là. Waouh. Donc, vous dites, c'est ici qu'on a vu la correction de notre, quoi, de notre foi, n'est-ce pas? Premier, on a fait jusqu'à deux parties. Waouh! Le livre du prophète Daniel. Le Seigneur ne veut pas le mélange dans notre foi. Parce que souvenez-vous, si c'est ici qu'on a vu cela, c'est vrai que nous avons certainement lu la partie de l'écriture dans Hébreux chapitre 11, verset 6 qui disait. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Donc, le livre du prophète Daniel. Par les commandements du chapitre 20 d'Exode. Par le commandement du chapitre 20 d'Exode. Si vous lisez. Verset 1, verset 4. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Tu ne te feras point d'image taillée. Écoutez bien, par ces commandements, par ces décrets divins donnés, Dieu exclut tout mélange entre son adoration et toute autre adoration. Donc notre foi doit être sans mélange. Tout mélange, enfin, que ce soit sur le plan naturel, sur le plan scientifique, n'importe quoi, tout mélange qui n'est pas harmonique est un mélange hybride. Essayez de prendre du tapioca, vous mouillez avec le sable, vous dites que ça se ressemble. Vous allez voir ce que ça produit. Vous voyez, c'est tellement bizarre au point où on a dit, quand vous essayez de faire obstruction à quelqu'un pour qu'il ne gagne pas de l'argent, on dit qu'on a de mettre quoi? Le sable dans son tapioca pour montrer que le mélange là n'est pas homogène. Ce n'est pas un mélange qui doit se faire. On doit mélanger le sable avec quoi? Le tapioca avec du sucre. Là, c'est bon. Avec des arachides grillés, pas vrai? C'est bon, vous pouvez y ajouter encore du lait. C'est encore très bon. Peut-être d'autres encore mettre de l'avocat. Si tu sors d'un conservant, tu peux encore couper le bâton de manioc. Manger avec ça. Donc le bâton de manioc séché et le bâton de manioc préparé. Au Nigeria, quand il est au Nigeria, les gens mangent comme ça, ils mangent comme ça, ils mangent avec du haricot frit ou manger ça avec du beignet. Donc ils ne voient pas le tapioca là-bas sans haricot. Quand ils mangent avec du haricot. Quel mélange. Alors, par les paroles de Exode chapitre 20, les versets 1 à 4, tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Dieu se réserve le soin et l'exclusivité de notre genou prosterné. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est vrai, on dit, quelqu'un qui va aller devant une idole, baiser la main de Baal, puis se tourner dans le temple du Seigneur, ça n'est pas comme compatible, le mélange. Dieu exclut tout mélange de notre foi avec la foi extérieure. Ça veut dire quoi concrètement? Notre façon de servir Dieu doit être conforme selon sa parole. Et si ce n'est pas selon sa parole, avec du mélange, il appelle ça culte d'idolâtrie, il réprouve ça, il rejette. La foi doit être sans mélange. Vous êtes vraiment? Ok. Et donc, si... Ah mon Dieu, permettez-moi de parler. Si nous sommes appelés de lui et que nous sommes contaminés par un style d'adoration, je crois que les gens sont des chrétiens, je ferais mieux d'aller doucement. Ces choses-ci là, ne pensez pas à cette direction si nous prendions aujourd'hui là. Si nous sommes appelés de lui et le style d'adoration que nous devons lui accorder est mélangé. Notez le livre de Juges. Le petit bruit a suivi les enfants qui ne font pas cela. Si nous sommes appelés de lui et que le style d'adoration à lui réservé, c'est-à-dire que ce que nous devons faire pour lui est mélangé par une suite de contaminations. Il se réserve le soin de châtier pour ramener ceci à l'ordre. C'est toujours comme ça son principe. C'est-à-dire, il y a des gens sur la terre qui peuvent être trompés. Enfin, c'est plein dans la Bible, là, comme vous pouvez voir. Plein dans la Bible. Le livre de Daniel que nous sommes en train de prendre maintenant, c'est un exemple clair. Avant qu'il n'aille en captivité sur sous Jérémie, le prophète, ils avaient été avertis. Notez Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, chapitre 44. Jérémie le chapitre 7. Je crois que la porte, ça fait plus d'un mois que je constate que c'est comme ça. Et tout le monde constate comme c'est comme ça. N'est-ce pas les chants? N'est-ce pas les frères? C'est pas ça? C'est ça les frères? C'est fait plus d'un mois que nous constatons comme ça. Oui, on constate que c'est bon. On constate. Donc, notez Jérémie chapitre 7 et le chapitre 44. Sous Jérémie, donc, vous allez voir effectivement ce style de mélange. Dans le chapitre 7, les versets 14 à 16, ils disent clairement à Jérémie que nous ne voulons pas adorer le Seigneur comme il veut. Nous voulons faire ce que notre bouche a déterminé. Offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations. Écoutez ce que le peuple dit. Quand Dieu va resserrer les taux, la prochaine fois que tu vas faire ça, tu vas sortir. C'est pas à la fenêtre là que tu vas sortir là-bas. Ne me déconcentre pas. Quand Dieu va serrer les taux, ils disent, est-ce d'abord... C'est même notre mari même qui disent même ces choses-là, dont les hommes soutiennent les cultes que nous sommes en train de faire. Et déjà même, quand nous servions, écoutez bien, nous servions l'Éternel, ils ont manqué quoi? Du pain. Du pain, de la nourriture, ainsi de suite. Donc quand ils servent la reine du ciel, ils ont la nourriture. Et donc, ces choses sont devenues nous pousser à poser beaucoup de questions. Vous voyez, quand ces personnes se disent, quand ils servaient la reine du ciel, ils avaient la nourriture. Et vous savez exactement, cette reine du ciel se retrouve encore à Éphèse en 471 sous Nestorius, où on a érigé la Marie, mère des dieux. On avait, contre les protestations, c'est elle qu'on servait là-bas, à Éphèse. L'apôtre Paul l'avait laissé là-bas. On a fait l'exterminer là-bas à cause de cette même-là. La Diane Artemis, c'était cette même femme. Aujourd'hui, de façon moderne, elle est dans l'église catholique. Et tout est luxueuse là-bas. Maintenant, c'est ça qui me pose des problèmes avec la chrétienté d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez les grands témoignages de la chrétienté, c'est que Dieu m'a béni avec le matériel. Mais si c'est comme ça, c'est que l'église catholique, Dieu l'a béni. Mais maintenant, si vous lisez quoi, Daniel chapitre 12, non, Daniel chapitre 12, on réserve ça pour avancer quelque part. Au chapitre 11, si vous lisez le chapitre 11 de Daniel, vous allez voir quand l'ange est en train d'expliquer la suite des temps par rapport à ce qui va arriver de tous les royaumes, il va dire que le dernier, là, celui qui va venir là-bas, sera extrêmement fort. Il n'aura pas d'égard à des divinités, même que aiment les femmes. Vous voyez ce qu'il a dit de dire? Donc, ça veut dire que les femmes, le Nyanga là-bas, Vénus, Aphrodite, les divinités là, que les femmes utilisent pour servir. Vous parlez, Jézabel a des filiales. J'arrive. Il dit dans ce livre de Daniel, chapitre 11, là-bas, que ce roi-là n'aura pas d'égard, même jusqu'aux divinités que les femmes, que les femmes chérissent. Donc les femmes ont des divinités sans s'en rendre compte. Les reines de beauté. Donc il y a des démons au-dessus des femmes qui les contrôlent pour leur faire qu'elles fassent les beautés, pour séduire. Vous vous souvenez de Jézabel, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Jézabel, n'est-ce pas? Je crois qu'il me parle, ou bien c'est moi seul qui parle, ou bien vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Et donc la Bible déclare donc qu'il n'aura même pas de gars parce qu'il va se traiter avec les dieux des forteresses. Il va même briser d'autres dieux, cette personnalité qui va venir sur la terre. Donc vous voyez qu'il y a le combat dans ces camps-là. Et va réussir dans ses entreprises. La question c'est quand elle va faire cela, vous allez dire quoi? Que c'est Dieu qui va le faire. Mais pourtant la Bible a dévoilé que ce personnage-là va travailler avec des divinités autres. En brisant d'autres divinités. Quand les femmes vont faire le nyanga, ils ne te regardent pas. Vous me suivez? Amen. Ok. Alors quel est le problème? Le problème c'est que le peuple confie leur cœur à des divinités étrangères sans s'en rendre compte. C'est vraiment, voilà pourquoi Dieu a réservé l'exclusivité. Il a donné la parole. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit dans ces Proverbes chapitre 22 verset 17? N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est nécessaire pour le salut? Pas vrai? Vous voulez n'importe quel des conseils, des réflexions. C'est déjà écrit. Mais quelqu'un dit que non. Il a lu ça 3-4 fois. C'est bon. Je connais déjà la Bible. Vous connaissez la Bible, c'est. C'est quelque chose que tu lis, ça te lit. Vous lisez, ça vous transperce. Vous lisez, ça vous juge. Un temps, quand vous suivez trop, vous déposez ça loin de votre maison. Vous tournez un jour, vous comprenez que c'est incontournable. Vous venez encore prendre, vous recommencez là-bas. Ça vous lit toujours. C'est un miroir incomparable. Parce que c'est le seul livre qui traverse notre chair pour toucher l'âme. Et l'esprit, le seul. Il n'y en a pas deux. Les autres possèdent, les autres livres possèdent. Ce livre, c'est des livres. Amen. Tous les autres livres, tous les autres livres possèdent celui-ci des livres. Parce qu'en elle est révélée la gloire du Fils de Dieu. Alors souvenez-vous de ceci. Chaque fois que nous s'approche d'ici, c'est pour connaître quelle est la bonne façon que notre foi soit épurée. D'accord, frère? Amen. Daniel chapitre 12. Daniel le chapitre 12. Regardez, Daniel, le chapitre 12. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants d'Israël, quoi, des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Vous voyez cela? Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ah mon Dieu. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voyez qu'on a prophétisé même sur des gens, des personnes lointaines qui vont naître dans cette époque-là, qui seront sauvés. Parce que quand ils vont naître là, leur nom se sera écrit. Et on dit que c'est ceux qui seront inscrits qui seront sauvés. Donc il y a des gens qui seront là seulement. Bon, de toute façon, vous connaissez de quoi il est question déjà. On s'en fout d'ailleurs maintenant, d'accord, frère? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se les réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Écoutez maintenant. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous parlez des versets bibliques. Maintenant, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous avez vu cela? On scelle quoi? Dieu a voulu transmettre ce livre-ci avec des codes. Des choses sont là, comme il y a dit dans Esaïe chapitre 28 là-bas. On te donne comme ça, on dit lis. Tu dis que je ne puis lire ou bien on dit que c'est cacheté, c'est scellé. Tu lis, tu ne peux pas comprendre. Et il a dit que on scelle ça parmi ses disciples. C'est encore plus grave. Donc même parmi les disciples, on scelle. Imaginez dans les théologiens qui sont dehors. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous y êtes? Plusieurs alors le liront. Donc vous voyez que Dieu prophétise ici que ce livre va subsister jusqu'au temps de la fin. Donc toute personne qui veut lutter contre la Bible en délivre, c'est perdre son temps. C'est Dieu qui en a dit. Il dit que scelle ça jusqu'au temps de la fin. Donc même si les gens font la guerre sur le n'importe quoi, les maisons peuvent se détruire, les saintes écritures se préservent. Il dit au temps de la fin. Donc, le moment où il a parlé à Daniel, là, qui sont en captivité, le temps de la fin, c'est devant. Puis il dit que, comme tu en as décrit la scène, les gens vont lire ça au temps de la fin. Et ce n'est pas 500 ans. Quand il a écrit ça avant que Jésus lui-même est venu. Donc Jésus est venu, nous sommes à 2800 maintenant, 2018 ans maintenant. Donc imagine Daniel derrière, le livre est là. Et Jésus a cité ce Daniel-ci. Les gens disent, non, c'est ça le culture des blancs. Non, il manque les évangiles de Philippe, même pour jamais, même pour Thomas. Marie de Nazareth a aussi écrit. Pourquoi on a fait comme de toute façon? Et moi, non, il dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous avez entendu ça, frère? Amen. Ok. Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Lis quoi, frère? Le livre. Quand ils vont lire le livre, la connaissance. Pointez quelqu'un. Dis la connaissance. Ce n'est pas de l'école biblique, mais du livre. Voilà. Il dit que c'est là-bas que la connaissance doit augmenter. Parce que ici se trouve l'autre attribut de l'esprit couché. Comme celui qui a scellé, il enlève le voile devant quiconque qui veut enlever. Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il a dit, c'est pas lui qui a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ça se passe si je ne fais pas cet acte, ils vont comprendre. Non. La preuve, il marchait avec eux, il parlait. Est-ce qu'il savait que c'était lui qui était à côté? Non. Donc, ça veut dire que tu peux lire sans comprendre. Enfin, vous connaissez l'histoire des nègres éthiopiens. Remarquez très attentivement que ce n'est pas un homme du bas peuple comme les Pierre. C'était un homme érudit et vraiment éduqué. Il lisait devant ce qu'il attend. Ça, c'est la lecture. On n'a pas dit qu'on va lire et on va saisir comme. Non, tu peux lire, prononcer bien les mots. Mais ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que ça veut dire. Donc, vous prenez le livre comme ça, vous lisez, vous croyez que vous en avez des livres, vous dites non. Françaisement parlant, ça veut dire telle ou telle, telle chose. Alors que ça n'a rien à voir. Il dit plusieurs liront et la connaissance augmentera. Mais souvenez-vous, il est question qu'on scelle. La question maintenant, c'est où demeurez. Regardez, voici la porte. Quand vous entrez dans votre dans la maison, voici la porte. Si on ne veut pas que quelqu'un entre ici, on fait comme ça. On dit qu'on a scellé la porte. On a scellé. Bon, ça, là, on peut plus entrer. Bon, voilà l'écriture. C'est écrit, tout le monde lit. Je pose la question. On dit à Daniel de sceller. Je vous pose la question. Comment est-ce que Daniel doit sceller? Il a écrit, non? Bon, lisons jusqu'à la fin. On voit ce qu'il va dire là. Verset 5 du chapitre 12 de Daniel. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux hommes se tenaient debout, l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Souligne. Maintenant, verset 8. Vous savez, vous allez seulement dans la méditation, vous allez à la méditation, Dieu vous conduit, que on ne sait pas pourquoi vous allez le conduire, alors que vous ne pouvez pas en ce moment, c'est en ces soirées-ci. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Soulignez, frère. Ces paroles seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront 1, 2, et 3. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu, frère? Vous voyez les trois étapes, la justification, la sanctification, le scellement, n'est-ce pas? Plusieurs seront 1, 2, 3, épurés. Mais de l'autre côté, maintenant, on va dire quelque chose. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Daniel dit au verset 8 que quand il a entendu ça, il n'a pas compris. L'ange lui a dit que toi va, passe ta route, c'est pas pour toi. Il dit ces choses qui sont paroles, ces paroles-là seront tenues quoi? Secrètes et quoi? Scellées. Bon, le livre de Daniel, c'était toujours là comme ça dans les rouleaux écrits. Il vous pose la question, comment est-ce que c'est scellé? J'arrive, souvenez-vous de ce qu'on a de vouloir voir là maintenant, parce que ça se trouve contenu là-dedans maintenant. À partir de là maintenant, on peut aller dans tous les autres passages. Voici, ça c'est un peuple et c'est un prophète au milieu d'un peuple qui ont eu des mélanges et qui sont été allés en captivité. Ils sont allés en captivité parce que l'autre prophète avait dit et averti plusieurs fois que cessez de faire du mal dans cette vie. Si Dieu a dit qu'il va les envoyer les pays, ceux qui vont échapper pour aller là-bas, la famille va les prendre. Il appelle les quatre fléaux là, les épreuves terribles du Seigneur. C'est ça qu'il utilise pour frapper la terre, pour châtier la terre. Ces quatre-là, l'épée, la famine, les pestes, ainsi de suite. Quand il fait ces choses-là sur la terre, il dit que c'est pour châtier les gens et les ramener à la repentance, à la bonne voie. Mais le peuple, il ne connaissait pas cela, il ne comprenait pas. Mais à ce peuple-ci, à celui-là, le prophète de cette époque-là, Dieu lui parle du mélange et de la nécessité de nettoyer les gens de ces mélanges pour que ça soit un peuple purifié. Vous me suivez ça? Alors, l'or qui est pris dans la boue, on présente ça au marché, ça brille, frère. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Au four, comme le gâteau. Il faut faire quoi? Épurer. Il faut épurer. Pour nettoyer. Parce que ça, cet or-là, avait le mélange. Et le mélange-là n'est pas compatible. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Amen. Notez Jacques chapitre 1. Je crois que dans ces enseignements, nous avons lu cela. C'est Jacques chapitre 1 que vous allez noter. Verset 1 à 3 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On dit que cette épreuve de votre foi, c'est fait pourquoi? C'est pas pour vous faire pour tuer, pour vous apprendre la patience. L'apôtre Pierre dit de son côté, par rapport à ce même sujet, dit que ces épreuves-là ont pour but de purifier la foi. Donc, si on doit purifier la foi, je suppose que dans notre façon, notre style de croyance, notre manière de croyance, nous traînons les choses qui ne doivent pas y être. Vous y êtes? Amen. Alors, dans ce livre de Pierre, je vous ai demandé de noter Jacques, n'est-ce pas? Maintenant, là, tout juste. Notez le livre de 1 Pierre, là. Gardez mon esprit qu'on va revenir dans le dernier pour continuer. Pierre, voilà, maintenant c'est bon, suivez attentivement. Vous avez remarqué que tout à l'heure j'ai dit à l'exemple, je crois qu'il faut allumer là-bas dehors, c'est allumé là, c'est bon. Tout à l'heure je suis allé là-bas pour prendre cet exemple là, j'ai scellé la porte, vous avez remarqué, j'ai fait exprès de ne pas ouvrir. Vous avez remarqué que quelqu'un est venu pour entrer. Il a eu fallu qu'on lui ouvre la porte. Pourtant, la porte est là. Vous avez vu, il a fallu qu'on lui ouvre la porte. Maintenant, le livre éthiopien dans chapitre 8, quand Philippe, l'évangéliste, s'est approché de lui, il roulait avec son char. C'était un ministre. On parle que c'est l'un des ministres chevronnés, ministre des Finances. Et le ministre, on parle de le ministre des Finances, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire, il doit savoir lire et compter les chiffres. Il lisait ce livre du prophète Isaïe. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Donc, ça veut dire que la personne qui doit lui expliquer cela, c'est lui qui a la clé pour ouvrir. Pour qu'elle puisse entrer ici, il a fallu que celle-ci puisse ouvrir. Même si elle savait que voici la porte, même si elle savait qu'on fait comment, on appuie ici, il fallait que celle-ci lui ouvre la porte. Alors, c'est ce que Philippe va dire qu'il va ouvrir pour qu'il puisse comprendre. Vous voyez que le scellement n'a rien à voir. Est-ce qu'on met la peinture sur ça? Ou qu'on met ça dans un endroit, on fait. Pour que Dieu tienne ça secret, il n'a pas besoin d'échanger la situation. Lorsque le prophète Élisée avec Géasi était en bordier là-bas à Dothan, et il s'est tenu là-bas alors que le roi d'Assyrie a envoyé les troupes venir le captiver. Quand ils sont venus demander à Élisée que ouais, l'homme de Dieu, vous cherchez l'homme de Dieu, oui. Les yeux étaient fermés. Hein, frère? Quand Géasi était assis à côté, il voyait les gens là, les soldats du roi là-bas, en multitude, il tremblait. Quand l'autre prophète restait tranquille, Élisée restait tranquille comme ça, lui voyait, n'est-ce pas? Dans cette montagne-là, se trouvaient des chars de feu tout autour, là-bas, autour. Est-ce que Géasi, lui, voyait? Non. Quand elle a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu un montagne là, elle a vu qui? Des chars. C'était toujours là, mais dans l'autre dimension. Élie est bidimensionnel. Élisée est bidimensionnel. Il peut voir dans les deux dimensions. Alors, il peut donc dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Pas vrai? Amen. S'il dit n'importe quoi, et que ces gens ne sont pas ouverts, qu'ils voient l'autre réalité, il va dire que mon ami, le ministère est terminé aujourd'hui. Il t'avait dit n'importe quoi, si tu vois les choses, ne dis pas. Voilà, tu nous as créé le premier dans le ministère. Mais quand il a vu ça, il a dit que non, il dit, nous sommes les plus forts. Qui tente alors? Parce qu'il a vu de l'autre côté. Maintenant, écoutez très attentivement. Quand ces gens-là ont fait cela, il les a conduits dans la ville. Daigne frapper ce peuple d'aveuglement. Vous avez vu ce qu'il a dit, frère? Vous avez vu? Écoutez très attentivement. Quand le prophète dit, daigne frapper ce peuple d'aveuglement, leurs yeux ne se ferment pas comme ça. Ils n'ont pas la cécité. Le noir ne devient pas comme s'ils avaient la cataracte. Non. Quelque chose se trouve dans votre esprit que suffit que Dieu fait. Vous savez, le soir, en journée, vous avez le rideau. Vous mettez le rideau, vous ouvrez les rideaux pour qu'il y ait de la lumière. Pas vrai? Cette chose se trouve dans votre esprit. Cette chose-là, ça se trouve dans votre esprit. Mais quand le voile est le cœur, ça se trouve là-bas. Il y a quelque chose là-dedans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour aveugler quelqu'un, ce n'est pas difficile. On tire le rideau noir, tout simplement. Vous êtes là comme ça, debout. Mais regardez très bien les gens que vous voyez, où marchez, vous voyez les gens qui sont dans la folie. Vous avez quelqu'un de la famille qui est né subitement par suite de quelque chose lui est arrivé. La folie, ce n'est pas quelque chose, on a tapé son corps, on met quelque chose, tout simplement. Il suffit de déplacer le cerveau. Au niveau des coudes, son cerveau, on déplace son cerveau au niveau du coude. C'est là. Le cerveau déplace au niveau du coude. Vous faites votre radio, vous voyez tout est normal. Mais le cerveau est déplacé au niveau du coude. Il y a ce que vous appelez la sorcellerie, le con, c'est le con, ces femmes-là. Vous dites, j'ai vu quelqu'un qui était mort quelque part. Il n'était pas mort. Il était cliniquement mort. Il n'était pas mort. S'il meurt comme Dieu a voulu, personne ne peut le réveiller si ce n'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un décède, un être humain, fût-il Satan n'a pas le pouvoir. Ce qui devait maintenir un dans le ciel avec l'île pour nous détruire. Il n'a pas le pouvoir. Pour que la vie quitte le corps et que le corps soit inerte comme Dieu a fait. Parce que quand la vie quitte le corps, ça suppose que l'âme a quitté le corps. Le corps sans âme est mort. Si l'âme part, pour que ça rentre, il faut la volonté du Seigneur. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous avez lu l'histoire du prophète Élie avec la femme de la veuve là, n'est-ce pas? Il est, quand Élie a prié, il s'est couché sur lui. Quelle est la prière qu'il a faite à Dieu? Que l'âme de cet enfant revienne. C'est-à-dire que quand il a touché le corps, il savait que le corps était vide. Vous voyez? Il fallait que l'âme puisse revenir. Pour que ça puisse revenir, il faut la puissance de Dieu. Alors, donc, ces gens-là, quand ils font. Pour la sorcellerie, c'est pas difficile. Vous avez votre machine que vous mettez sur les patients. Vous déposez ici. Et puis, le cardiogramme fait pip, pip. Pip, quand on dit que non, que le battement du cœur est bon. Mais quand ça fait le sinusoïde, ça descend pip, la pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Le docteur dit que m'a pas fini. Parce que c'est ce que la machine a donné comme renseignement. C'est parce que c'est vrai. Est-ce que vous savez que, bon, il y a des zones du son que votre oreille ne perçoit pas? L'oreille écoute dans un intervalle de son bien déterminé. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire que si l'intervalle c'est de 0 à 10, c'est dans cet intervalle que si un son est émis, la fréquence est émise, vous comprenez, vous entendez. Ça veut dire que si c'est émis à l'extérieur, vous n'entendez plus. Si c'est émis au supérieur, ça vous fait du bruit. Vous entendez que le son est ferme, parce que ça dépasse la norme. Vous entendez, quand vous avez les gens qui ont le micro qui prêchent quelque part, vous entendez ces sons-là, on parle des ondes destructives. Ça fait pip. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pile là où chaque personne met les mains dans ses oreilles parce que le son dépasse le seuil normal des tempas. Pas vrai? Ok, quand vous entendez le son pile qui n'est pas normal et qui au milieu, quand on parle doucement, vous voyez c'est normal. Ainsi, il y a des sons donc on basse plutôt, vous n'entendez pas plutôt. Pas vrai, frère? Un peu comme les chauves-souris qui volent dans la nuit. Chauves-souris, quand ils volent, c'est le mur. S'ils ne voient pas le mur comme vous que vous voyez, ils émettent un son. Le son, vous n'entendez pas, le son va, ça frappe sur le mur, ça revient vers lui, il sait qu'il y a un obstacle là-bas, il esquive. Mais le son, vous n'entendez pas. Je pense que c'est ici. Comme c'est fréquence radio que les Japonais ont inventé. Ils mettent, c'est les fréquences des radios pour les moustiques. Quand vous captez cette fréquence-là, qu'est-ce que ça fait? Ça émet le bruit. Mais votre bruit, vous n'entendez pas. C'est le bruit pour les oreilles des moustiques. Et le moustique, quand il entend ça, il entend. C'est ce genre de bruit que ça produit, c'est le bruit des chauves-souris. Donc il fuit rapidement. Quand il entend ça, il sait que la chauve-souris dans la zone. Mais vous n'entendez pas ces bruits. Vous comprenez ce que je viens de dire? Ok, donc. Cet appareil, donc, si qu'on teste le cœur avec et qu'on fait pip, pip, pip, parce qu'ils savent la pulsation normale du rythme cardiaque. La norme, c'est ça. Ça se passe dans cet intervalle. Il faut que le maximum soit comme ça, le minimum soit comme ça. C'est pour ça qu'il charge. Il charge 250 pour réveiller le cœur, pour donner la pulsation. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas cette pulsation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vie. C'est parce que leur machine est dans la semaine que on aurait... bon, vous voulez qu'ils fassent comment? C'est comme ça qu'ils ont on appris cela. Que ceci, c'est pour tester, pour vous dire que quand votre rythme cardiaque est bon, si le cérébral monte, ça descend, ça suppose que vous avez la vie. Mais ça fait bip, droit, absence de... Maintenant, souvenez-vous d'ici, l'absence de vie, si ça monte, c'est pip, ça ne veut pas dire que la personne est morte. La personne a cessé de vivre selon cet appareil. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Là, la sorcellerie, c'est très simple. On baisse le rythme cardiaque de la personne en dessous de cet appareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Selon pour cela, vous avez quelqu'un à qui on a connecté cet appareil dans les hôpitaux. Vous-même, vous travaillez dans les hôpitaux. Et vous êtes proche de quelqu'un qui a ces choses-là. Cet enfant, il y a un enfant qui est monté sur une chaise-là, il peut se faire du mal là. Observez sa position, vous voyez, c'est pas bon là. Vous avez quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, qui est quelqu'un comme ça là. S'il fait pire, l'appareil fait pire, pire, pire, pire. Levez seulement vos mains dans les cieux, comme les anges lancent la double main. Vous dites, Seigneur, cet appareil, tu as dit qu'il est mort, mais son cœur est encore vivant. Tu mets comme ça. Tu soumets tout son corps, toute partie de son corps sous la puissance du nom de Jésus. Observez ce qui va se passer. Si cette personne-ci est morte par suite des, vous appelez, con, la sorcellerie. C'est une sorcellerie dont on parle comme étant le formula. Le formula est simple. On baisse le rythme cardiaque, on prend son cœur, on met soit dans l'ongle. On peut mettre derrière les oreilles ici. On peut mettre sous son orteil. Ou bien on peut mettre n'importe où de son corps. Le rythme cardiaque est là. Si ça, oui, on enlève son cœur. On met dans un endroit. On peut mettre votre cœur sous votre ongle ici. On peut mettre même ça sur les dents, sous ce dent-ci. Quand vous commandez, que ça revient, ça revient. Et là, maintenant, quand vous commandez ça, quand on va regarder qui a fait ça, préparez-vous. Parce que quelqu'un dans la réunion a déjà mangé le cœur des gens. Manger le cœur des gens, on dit que c'est à part aujourd'hui. Quelqu'un vient, tu viens dire que tu ne manges pas. Tu vas savoir de quoi il est question. On va lui dire, ne mangez pas celui-ci. Préparez-vous d'abord en arrière. Vous voyez qu'on a pas besoin, on a besoin du foie non mélangé, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui se passe. C'est tout simplement ce qui se passe. Le mélange. Alors, lorsqu'on est dans ce niveau de foie, ça ne veut pas dire que quelqu'un est mort. C'est tout simplement parce qu'on a enlevé. Mais l'inconscience du fait que on a fait tellement confiance à la science que si la science a dit, la science a confirmé. Je veux qu'on me confirme comment quelqu'un qui a la lèpre se lave dans l'eau, il sort, il devient comme un enfant. Je veux qu'on me confirme. La science peut confirmer ça, frère? Non. La science peut confirmer comment les crachats mélangés avec la boue ouvrent les yeux? Non. Okay. Qui passe fait l'étude scientifique de l'urine ou bien des crachats mélangés avec de la boue? Peut-être qu'il y a des substances guérissantes là-dedans, pas vrai? Si. Mm-hmm. Ou bien aller faire prélever l'eau des silhouettes et faire les tests à l'intérieur, vous allez seulement voir H2O. Mais le H2O, le style de H2O qui sont là, c'est le H2O sanctifié. Amen. C'est pas ce que vous saisissez. Amen. Le Seigneur veut que notre foi ne soit pas avec mélange. Alors ici à Daniel, Daniel dit, je ne comprends pas ce qu'il en a été dit. On dit que Daniel, passe ta route. Va te reposer. Celle du livre sera tenue secrète. Écoutez bien. Secrète. Et scellé. Et je dis, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple en scellant la porte. Même si la personne fait un peu comment, ça dit que, comme les Nîmes, il lit bien le livre, mais la compréhension est fermée par le Saint-Esprit. Si notre évangile est encore voilé. Donc il y a un voile qui est mis sur ça. Mais il dit dans ces 2 Corinthiens 13, là, 3, là, verset 15 et 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quoi, le voile est ôté. Donc il y a un voile qui jette tout le peuple. Il y a ce voile-là et le voile de la mort qui couvre le peuple. Donc en réalité, si on regarde très attentivement, le voile, on enlève le voile, c'est la vie. Parce que ce voile a couvert le peuple maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être couvert par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Il faut que le voile de la mort soit ôté. Il a dit, promis par le prophète Esaïe, qu'il va enlever ce voile-là qui voit tout le peuple. Et l'alliance avec la mort sera brisée. Vous avez moi? Alors souvenez-vous de ceci. Vous pouvez lire dans le livre comme ça. Vous lisez bien. Vous dites que définitif. Étymologiquement, tel mot veut dire tel mot. Mais quand vous appliquez là-bas, ça ne dit rien. Vous voyez, par les gens qui font le droit comme ça pour nous déranger. Vous parlez du concubinage. Il va dire que concubinage, c'est le vient, on reste. C'est si le droit continue, le droit. Vous allez dans la Bible, on dit le concubin, oui, c'est son mari. Vous allez en sortir, frère. On a des problèmes. On a des problèmes. Des problèmes. Alors, il promet ici que plusieurs de ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Les méchants vont continuer dans la méchanceté, ils ne comprendront rien. Mais ceux qui ont été intelligents comprendront. Qui leur a donné l'intelligence, frère? Voilà. Puis il dit que le livre doit être tenu secret. Il s'en allait quelque part. C'est pour ça qu'il vient doucement, comme ça, il revient, il vient là-dessus. Le livre sera tenu secret. Un. Scellé. Deux. Et il promet que c'est au temps de la fin qu'on va lire, on va comprendre. Donc le Seigneur se permet de réserver qu'à la fin des temps, il va augmenter la connaissance de ceux qui vont lire la Bible, qui ont été intelligents, à qui il a mis son intelligence. Parce que pas n'importe qui va comprendre. C'est cette petite devoir donc qui est jetée sur le cœur des apôtres quand Jésus est ressuscité. Ils se tiennent devant eux, mais ils le voient. Parce que la Bible déclare, dans Luc chapitre 24, car leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Pas qu'ils avaient changé les yeux. C'est pas Jésus qui avait changé, c'est leur état. Pas que Jésus qui changeait, un temps il était en afro. Un tel était sorti avec le jean délavé. Non, non, non, non. C'était le même Jésus. Mais c'est leurs yeux qui avaient le problème. Alors lorsque le prophète Élisée appelle à Dothan, quand ils sont en train de voir ces choses-là, les soldats viennent là-bas et disent, vous cherchez qui le prophète? Il dit, oui, c'est lui que je cherchais. Quand il parle, il se voit, le chef, le commandant, tous les gens qui sont là, ils le voient. Ils le voient, mais ils ne le voient pas, frère. Il les approche vers le roi. Le roi dit, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il dit, on ne peut pas le châtier. Laissez-les partir. Faites-les manger. On a mangé, ils sont partis. Vous avez vu un jour encore, ils sont encore revenus là-bas. Quand il travaille le territoire d'Israël, il se réveille comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'il y en est? Donc, vous pouvez être à côté du Seigneur comme ça sans vous en rendre compte que c'est lui. Vous pouvez lire les Écritures. Vous lisez un jour, chercher les choses dans la Bible. Un jour, vous asseyez seulement comme ça. Vous voyez quelque chose, une clairvoyance vient, pam. Vous regardez, wow, comment je n'ai pas vu ces versets? Vous voyez que vous avez même coloré. C'est que. C'est pas ça la vient d'arriver là-bas, frère? Non. Non. C'était toujours écrit là-bas, mais c'est pas le moment. Il vient de ce jour là-bas à Capernaum, on lui donne le livre, il ouvre. Il trouve l'endroit où c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ferme le livre. Il dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez lue est... J'en dis que ta tête ne tient pas. C'est le Messie, c'est qui peut accomplir cela. Voilà le Messie qui en est voulu accomplir. Mais il dit que c'est comme ça, parce qu'on lit toujours, on dit que non, c'est pour longtemps, c'est possible. Daniel, on a dit à Daniel que c'est pour l'époque de la fin, la connaissance au matériel qu'on va lire ce livre. Donc Dieu... C'est donne par ces paroles-là le droit, la puissance et l'engagement de préserver le livre jusqu'à la fin du temps. N'est-ce pas? Il dit avec les explications bibliques et prophétiques, ce qui sont écrits à l'intérieur. Il dit que c'est réserve le droit de révéler ça plus tard à ceux qui auraient été intelligents. N'est-ce pas? Il dit que ceux qui auront enseigné la justice au peuple brilleront. C'est pas ça? Maintenant, il dit maintenant que plusieurs seront... Non, on peut passer par. Oui, allons-y. Plusieurs seront un, purifié, deux, blanchi, trois, épurés. Pourquoi? Ceux dont le nom sont écrits. Ceux qui auront été intelligents vont passer par ces trois étapes. Je vous pose la question. Pourquoi? C'est parce que ton nom est écrit d'abord qu'on fait ceci. Si ce n'est pas écrit, tu es d'abord exclu du groupe. N'est-ce pas, frère? Donc, il y a une œuvre de nettoyage de notre foi. Parce qu'avant que vous ne croyez en Dieu, plus que vous croyez dans plusieurs choses, d'abord. Et le vrai problème, c'est que quand nous venons donc en croyant maintenant, selon les Saintes Écritures, nous voulons mettre ces choses-là à l'intérieur. C'est-à-dire que nous voulons ajouter en plus de cela, ces autres croyants que nous avions autrefois. C'est l'un des grands objectifs même de la Bible, si vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des divinités qui ne sont pas des dieux en réalité. Les gens viennent maintenant en Christ, ils veulent amener le même système. Il faut que la foi soit purifiée. La foi doit être sans mélange. Maintenant, la foi sans mélange, comment ça s'obtient? D'abord, la foi vient de façon spontanée. La première chose à savoir, c'est que la foi vient de façon spontanée. On ne dure pas pour avoir la foi. On ne dure pas. Ce n'est pas comme vous faites l'endurance pour que le muscle sonne. Non, non, non, non. La foi vient de façon spontanée avec l'amour. Vous aimez naturellement. Il n'y a pas un endroit où vous apprendrez à aimer Dieu. Non, non, non. L'amour est d'abord là. Ça vient spontanément. Puis ça se développe. Un peu comme l'enfant ne sort pas dedans devant. Pam! Même si Dieu te donne, tu auras un enfant. L'enfant ne vient pas pomme dans ton ventre. Non. Ça vient par suite d'un contact. Et puis ça commence à grandir. Pour que cette forme-là soit là. Quand la forme est là, vous voyez l'enfant, mais l'enfant ne vient pas spontanément. Ça vient comme ça. Alors de la même façon, comme la rencontre de la gamète, pam, et puis la vie commence, la foi vient comme ça. Quand la parole esprit touche ton esprit, à cet instant-là, tu es engendré. À cet instant, tu es engendré. Maintenant, le développement peut commencer. On dit la foi a été transmise une fois pour toutes au sein. Et on dit donc que c'est cette sainte foi-là, ce niveau-là, appelé la très sainte foi. Le premier niveau de la foi qui est donné. Donc on voit quelqu'un dire non, je veux que telle personne pour moi parce qu'il a une très grande foi. Ce n'est pas la très grande foi qui est le problème. C'est la grâce et la miséricorde que cette personne a vis-à-vis du Seigneur. Pour la foi, tous ont même niveau. Tous ont même niveau. Si vous prenez une or, quoi, de l'or qu'on a pris maintenant, qu'on a déjà exposé sur les marchandises ou dans les plans, vous savez, vous allez dire, on a mis de la lumière, on expose pour vendre. Ou bien de façon en forme de lingot qu'on a mis dans les banques. Et vous prenez une or, quoi, de l'or qu'on a pris dans la salité, maintenant vous mettez là-bas. Tout ça, c'est de l'or. Tout ça, c'est de l'or, pas vrai, frère? Quelles qu'en soient les formes qu'on a données à cette or-ci, tout ça, c'est l'or. Mais la différence, c'est la saleté que l'autre a. L'autre est déjà passé par les nettoyages. On l'a épuré pour que ça brille, pour que ça brille. Mais c'est l'or. Ça n'a pas quoi que ce soit d'ajouter. On a plutôt nettoyé. Ça, si vous me suivez. L'or, la foi, c'est la foi. Il n'y a pas deux fois que vous devez avoir. Vous devez avoir la foi en Christ Jésus. Cette œuvre achevée. Quand vous avez, à cet endroit-là, la Bible appelle cela la très sainte foi. C'est pas ce que c'est ici. Quand vous avez donc la très sainte foi, on demande donc de construire. Construire quoi? Pas votre foi, n'est-ce pas? Votre vie. On doit s'édifier sur la très sainte foi. Mais maintenant, allons dans le livre de 1 Pierre que nous avons pris tout à l'heure. Regardez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons de quoi aujourd'hui? La foi sans ou encore mélange hybride. Toute foi qui a pour mélange hybride produit la religion. C'est-à-dire que c'est venin mortel pour notre vie. Toute foi mélangée produit la religion. En fait, la religion est basée sur le mélange de la foi. Toute religion. Parce que la religion, c'est la tentative de l'homme pour pouvoir rencontrer Dieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? Or, regardez bien, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, les hommes disent que non. Vous pensez que Dieu qui est très grand, là, il faut seulement croire comme ça, on a la vie éternelle. On dit oui, il dit non, c'est pas comme ça. Il faut que je me retire là-bas. Je décide de ne pas me marier. Je fais ceci. Je fais cela, je fais les ablutions. Il faut que je vais au moins en Israël, là, la terre de Dieu, pour qu'un jour, j'ai la foi pour être sauvé. Vous voyez que cette personne, c'est le problème, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ nous sauve sans que vous n'ayez rien donné. Et c'est ce qu'on va voir dans ces écritures-ci. Vous allez voir que plusieurs fois, Dieu a reproché à Israël son manque, pas son manque de foi, mais le simple fait qu'il n'a pas compris ses voies pour y marcher. Mais pour Israël, de façon spontanée, Dieu les a aimés. C'est pour ça que pour cela, ça ne peut pas changer. Même si Dan dit n'importe comment, son amour pour lui ne peut pas changer. Son amour. Et c'est ça le style de foi et le style d'amour que Dieu veut que nous ayons. Donc l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons avoir pour Dieu, ce n'est pas quand il nous donne quelque chose. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon amour. Hey, laisse-moi louer le Seigneur. J'étais malade, il m'a guéri. Comment vous sentez encore cela? Les médecins ne pouvaient rien pour moi. Alors, vous voyez, et que la prochaine fois, il y a un palais qui nous dit que Seigneur, comme tu m'avais guéri, moi, il dit, je l'ai guéri, moi, il dit, il va encore chanter ça, hein? On a des problèmes. Ici, c'est un style de foi qui est basé sur les œuvres de ce que le Seigneur fait. L'apôtre Pierre a suivi le Seigneur parce que le Seigneur lui a fait quoi? Si vous dites que c'est pour la pêche, c'est quand il a pêché, il a allé faire quelque chose avec. Pour Matthieu, quelqu'un qui avait touché de l'argent, vous voyez que s'il avait l'esprit de cupidité, c'est qu'il devait dire à Jésus que tu me payes combien? Il a posé la question au Seigneur Jésus. Non, il a laissé de l'argent là-bas pour aller suivre Jésus, pour montrer effectivement que l'argent qu'il servait ne le retenait pas. Mais pour quelqu'un qui est au péage, pressez seulement des doigts là pour aider, vous allez voir les personnes qui sont là-bas. Vous voyez que sa poche, il a une poche parallèle à la poche normale. Que quand il met la main à l'intérieur pour lancer la main, quoi que ça entre dans la poche, ça descend pour aller dans quelque part. C'est prévu qu'on donne le ticket, on vous donne le ticket 500 francs. Parce que quand il coupe de le ticket, c'est la comptabilité. Il te présente un demi-ticket, on savait que 3, tu lui donnes 300. Frère, le 300 entre dans sa poche. Toi qui travailles, tu ne payes pas 500. Tu payes 300, tu gardes 200, lui garde 300. personne n'a le ticket, l'État n'a pas l'argent. Vous voyez, on a des problèmes sur cette terre. Si c'était un Lévi comme ça, là, imagine que Jésus vient avec sa voiture, gars, il donne 5 cents, il dit, ok, toi, dis oui, suis-moi. Il te regarde comme ça, que tu étais sûr, hein, dis oui, continue ta route là-bas. Mais Lévi n'a pas dit cela. La Bible dit qu'il a abandonné tout pour suivre Jésus. C'est-à-dire, ceux qui suivaient Jésus de façon genuine ne suivaient pas pour quelque chose. Parce que c'est l'expression de son être qui les attirait. L'expression de son être, ils aimaient sa présence. Marie, ah Seigneur, ah, oh ma, ah Seigneur, je peux pas le couscous, je peux pas le ndolé, je peux pas le bongo chobi. Elle est toujours là, toute la maison sans des fumées, il faut qu'elle nettoie. Tu te bats pour toutes les choses là. Elle a choisi quoi? Vous voyez, elle n'était pas là parce que Jésus avait de l'argent. Quelque chose en Jésus et remplissait quelque chose en elle. Quand votre vie qui est à l'intérieur de vous n'est pas comblée par la présence du Seigneur, vous avez un problème. Il faut que le voile soit ôté. Vous n'avez pas sa présence, vous avez un problème. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Pendant que vous avez la lumière en vous, au milieu de vous, croyez en la lumière. Vous voyez, frère? On a des problèmes. La foi vient spontanément. Votre contact avec la parole esprit vous octroie directement la foi. Le contact avec la parole, que vous en soyez conscient ou pas, c'est pas que non. Quand ça s'est passé, j'ai senti la chair pour me parcourir. Même chacun peut faire ça. C'est que chacun a produit la foi dans tous ses concerts. N'en parlons pas avec Michael Jackson. D'autres ont la foi, c'est eux-mêmes seulement. Donc ce n'est pas ça dont il est question. Ce style de foi ne touche pas notre chair, mais ça part tabernaclé dans l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur, encore, de toute façon, c'est encore lui. C'est l'homme intérieur qui est la source. C'est le lieu de résidence de cela. Ne croyez pas que si un homme de Dieu meurt sur la terre, comme il avait son cœur bas encore, on enlève son cœur, mais sur toi, tu vas avoir la foi de l'homme de Dieu là. Non, non, sa foi n'habite pas dans ce cœur là, c'est pas le cœur dont tu parles. Le cœur dont la foi habite, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, ce n'est pas transplantable, ce n'est pas clonable, ce n'est pas visible aux appareils. C'est unique, chaque homme intérieur est unique. Les organes, vous pouvez les changer comme les pièces de moteur. Vous pouvez enlever l'œil de quelqu'un, il y a même des gens qui vivent avec l'œil de bœuf. Ça ne fait pas qu'il n'y ait pas manger les herbes, pas vrai? Non, vivez même avec l'œil de poupée. Comme vous faites comme ça là. Mais la propriété intrinsèque, la vie de cette personne, on ne peut pas l'avoir. C'est unique. Ainsi, quand la foi vient habite en nous, cette foi-là nous donne accès donc à diverses grâces disposées pour nous. C'est-à-dire, quand vous allez vers quelqu'un, vous dites que je vais vers cette personne, que cette personne se mette devant le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est plus proche du Seigneur que toi. C'est la grâce de Dieu dans sa vie. Voilà. Ne confondez pas cela avec la foi. Non, non, telle personne, ma grand-mère priait, elle avait une très... Tentez pas. Elle avait une très grande foi. Il n'y a pas un poids de foi, de balance pour mesurer la foi. Il n'y en a pas. La foi est dispatchée de la même façon. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous les autres apôtres, y compris nous, y compris vous et nous, c'est le même style de foi que Dieu nous a donné. Dans Luc chapitre 17, ils ont demandé au Seigneur, maître, augmente-nous la foi. Ils savaient donc qu'ils avaient là. Mais ils demandaient. Jésus dit, si vous aviez la foi comme quoi? Ils cherchent une grande. Jésus lui demande une. Pas une petite, mais une extrême petite foi. Petite foi suffit seulement pour. C'est suffisant pour déclencher. Or, si c'est pour la foi en Jésus, nous tous nous avons. Mais maintenant, écoutez bien le problème. Écoutez maintenant le problème. Merci Père. Si on est gouverné par la parole, et que l'homme intérieur est fortifié par la parole esprit, la foi est automatiquement libérée dans nos bouches, dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'homme intérieur doit être habillé. Il doit être habillé. Le vêtement de délivrance que Dieu nous donne, ce n'est pas sur votre chair. Vous pouvez ressentir seulement quand le moment arrive, quand il dépose quelque chose sur vous. Vous savez tout simplement qu'il vous a porté un vêtement. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce n'est pas sur vous. Ce n'est pas ici, là. C'est à l'intérieur. C'est la personne... Vous-même, qui est fait à l'image de Dieu, c'est celui que c'est positionné. Alors, si vous êtes gouverné, si votre homme intérieur, ou bien, enfin, vous comprenez, n'est-ce pas vous, si vous êtes habillé par la parole, vous savez, on en a parlé du revêtement du Seigneur Jésus ici. Revêtez-vous, il dit, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Quand on dit dépouillez-vous, vous enlève l'habit sur vous. Non. Ces œuvres-là, c'est où, frère? C'est en nous. Vous voyez que ça doit être extirpé. Il dit, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres et revêtez-vous les armes de la lumière. Donc vous voyez effectivement que les deux, rien n'habite à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Donc ça veut dire que ces œuvres des ténèbres qui sont en nous, c'est un obstacle pour le déploiement de la puissance de Dieu sur l'homme intérieur. Il faut que la foi donc soit sans mélange. Autant que nous allons nous laisser gouverner par la parole, autant nous devons nous sanctifier notre foi. C'est-à-dire quoi? Mettre de côté les croyances que nous avons eues dans notre vaine façon de vivre. Je prends un exemple. Vous allez chez une race appelée les Bassa. On vous donne le bâton, vous allez les détacher, vous détachez. Nous sommes à 20h. Quand vous mangez, vous attachez. Il dit, hé! Hey! Non, n'attache pas. Il dit, pourquoi ma soeur? Il dit que chez nous, les Bassa, quand tu attaches comme ça, c'est ta vie que tu as attachée. Frère, tu vis dans les bâtons. Vous vivez dans, c'est des bâtons. Vous êtes des bâtons de manioc. On a des problèmes. Après, tu dis, ma soeur, ça va? Il dit, oui, ça va. Jésus-Christ règne. Donc, il règne au point où les bâtons, notre vie, on dit que notre vie est cachée avec Christ, hein? En Dieu, sa part de vie est cachée dans le bâton. Vous voyez qu'on a un problème, les superstitions. Les superstitions. Après, on mélange dans les superstitions avec la foi. D'autres prennent les bananiers, vous appelez un régime, on apporte un régime de bananes. L'autre dit chez nous, le bambiliki, quand vous enlevez la banane, on vous donne la banane. Ne coupez pas. Il faut fendre les au milieu avant de les jeter. Et pourquoi? C'est que tes bananes ne vont plus produire. Jésus, quand il a créé la Bible, créé les bananiers haut là-bas, il a dit que chaque chose repose selon sa semence, à moins que les bambiliquins ne coupent. Non. Il a dit ça, frère. Non. Alors, d'où eux, ils sortent avec ça. Chez nous, vous entendez, chez nous. Je parle pas des hommes, je parle de lorsqu'on est venu en Christ. Mais vous montrez que ce sont des choses que nous avons héritées. Quand l'apôtre Paul dit de votre vaine manière que vous avez, avec votre père, que vous avez hérité de vos pères, c'est-à-dire que les héritages culturels doivent passer au crible de la parole. Les héritages culturels. Une femme enceinte ne mange pas l'œuf. Pourquoi, mon frère? Parce que chez nous, si tu manges l'œuf, l'enfant va voler. Il y a un gène de vol dans l'œuf, frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Chez nous, les femmes enceintes ne mangent pas le singe. Pourquoi? C'est que l'enfant va commencer à sautiller sur les arbres. Les gènes de l'enfant sont écrits dans le singe. Vous voyez qu'on a des problèmes. Les superstitions doivent être nettoyées. Ça doit être nettoyé. Ça doit être nettoyé. Vous entendez, certaines personnes qui disent catholique, qui disent catholique, ils viennent, ils ont toujours la croix. Ils essaient bec et ongles, parce qu'on a dit croix, il y a croix dans la Bible. Ils essaient bec et ongles d'arrêter cette croix. Je dis que mon frère, tu fais quoi avec la croix? C'est sur ça que je suis monté. C'est le plastique là que je suis monté sur ça. Hein, frère? Non. Quand tu as... Non, ce n'est pas la croix que j'adore. Je prends seulement ça comme un support pour pouvoir contacter Dieu. Dieu a dit. Sans la foi, il est impossible de lui être. Amen. Il n'a pas dit si vous ne te couches pas sur la croix. Ce n'est pas par la croix qu'on le touche. C'est par la foi en Jésus. Amen. Puis il dit que ma soeur, c'est qui est là sur la croix? Il y a un petit tintin sur ça comme ça là. Lui c'est qui? Il dit c'est Jésus qui est sur la croix. Après il va confesser. Après il va dire que voilà Jésus qui est sur la croix. Il va dire qu'il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc en même temps il est sur la croix. En même temps il est à la droite de Dieu. Vous voyez qu'on a besoin de délivrance, n'est-ce pas frère? Alors ça veut dire qu'il faut que notre foi soit épurée. C'est mélange donc avec la foi. Avec notre foi, c'est-à-dire que notre croyance crée problème dans notre marche. Et très souvent, nous ne comprenons pas cela. Non, chez nous, on ne mange pas les tigres. Pourquoi? Mange le tigre, le pompon qu'il y a sur lui va sortir sur toi. Qu'est-ce que la teinture que Dieu a mis sur le tigre pour l'embellir à avoir avec votre peau? C'est parce que vous comprenez, frère. Pointez quelqu'un. Dis chez nous les Bassa. Dit qu'il n'y a pas de Bassa chez les chrétiens. Il n'y a pas de Bamileke chez les chrétiens. Il y a chrétiens sans couleur, sans taille, sans grandeur, mais les chrétiens. Donc, la Bible dit que si quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, sauf les Bassa, c'est pas vrai? Cette personne qui dit ça, elle va dire que non, chez nous, les Bassa, on ne balait pas. C'est un peu comme je suis allé chez un pasteur une soirée, on travaillait dans la cuisine, puis j'ai pris le balai. Il dit, c'est un pasteur. Il dit, non, frère, ne fais pas ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, tu sais que chez nous? Il dit, pardon. Il dit, chez nous, on ne balaie pas la nuit. Il dit, pardon, pasteur. Il dit, chez nous, les Bassa, on ne balaie pas la nuit. Je suis étonné. Je ne sais pas si il y a une portion de Bassa ici, tradition Bassa, donc 3 Corinthiens, tradition Bassa. Il y a ça ici dedans, frère? Non. Donc, c'est un pasteur qui prêche la parole de foi tout en respectant cette tradition de père. Il faut quand même faire honneur. D'autres achètent le vin de palme le 1er janvier. Ils appellent ses enfants. Ils disent que non, monsieur ancien d'église, mais l'ancien ne veut pas dire qu'on va rejeter cette tradition. Il dit aux ancêtres, voilà ta part, nous te souhaitons bonne année. Vous voyez quelque chose, elle ne va, quelque chose ne va pas. D'autres, même parmi vous, là, quand vous allez au champ, parce que depuis l'enfant, quand vous allez au champ, vous voyez vos parents, quand ils veulent manger, ils prenaient le riz, ils jetaient à gauche, ils prenaient le jet à droite. Ils disent, c'est pourquoi? C'est pour les génies des champs. Frère, on a des problèmes, pas vrai? Après, ils sortent comme ça le soir, ils vont aux enseignements chrétiens. Ce mélange-là, c'est un mélange hybride. Dieu ne honore pas de tel type de foi. Quand le Seigneur a appelé Gédéon, il a dit, va casser le pieu, là, n'est-ce pas? Il se perd, les balles. Tu ne peux pas aller servir Dieu avec les idoles étrangères. C'est ce que Josué va leur dire quand ils vont sortir de l'Égypte. Dans ce Josué 24, vous avez noté. Vous devez faire un choix au aujourd'hui. Servir Dieu, c'est-à-dire que votre foi doit être reposée seulement et seulement sur lui. Et si vous ne voulez pas le servir de cette façon-là, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le prophète Élie va se tenir là-bas, dans un roi chapitre 17, pour les confronter au chapitre 18. Il va les dire jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à... Donc à gauche et à droite, il veut dire jusqu'à quand vous voulez vous mélanger le culte de Dieu, sa terre avec les cultes idolâtriques. Vous devez faire un choix aujourd'hui. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, servez-le. Non. Chez nous, on ne peut pas quand même balayer cette tradition comme ça. Les Blancs sont venus prendre, nous imposer leur tradition et en prenant notre tradition. Vous allez aller chez les Blancs, vous avez vu les traditions babylonienne là-bas? Vous avez vu ça là-bas, frère? On a des problèmes. Si on peut aller dans la Bible, vous voyez un traditionnaliste lutte. Si vous pouvez citer un verset, c'est le verset de Salomon. Salomon avait 700 femmes, c'est seulement 4, ça me fait quoi? Ou mieux encore, le premier verset que tous les soudats connaissent. Que Jésus a. Que il boit, vous avez. Tu connais le premier miracle de Jésus? Alors, notre foi doit passer au crible de la parole. Lorsque nous croyons n'importe quoi, vous devez vérifier que c'est confirmé dans les Écritures. Si c'est une base là, souvenez-vous que dans Jérémie chapitre 10, verset 3, la Bible déclare que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc tout ce qu'on croit, on adore là, c'est vanité. C'est-à-dire que c'est inspiré par des esprits qui ne sont pas éternels. Parce que ça doit passer. Et donc on n'est pas soumis à cela, on est soumis au Dieu éternel. Qui va nous donner la vie éternelle? Donc, je recommence encore ce que j'ai dit ici dès le départ. D'après Exode chapitre 20, verset 1 à 4, tu n'adoreras point un autre Dieu, tu n'auras point devant moi aucun autre Dieu, tu ne feras pas une image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Dieu se réserve par ses paroles l'exclusivité de notre foi. Ça veut dire que le style de foi que nous devons faire, ce n'est pas nous qui devons dire comment ça doit fonctionner, c'est lui qui doit nous dire. Et donc, les exemples bibliques qu'il nous donne, il dit, tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Donc, même si quelqu'un veut te sortir n'importe quelle situation, n'importe quelle, Dieu a déjà dit que ton genou ne doit pas fléchir devant une image taillée. Tu ne te feras point aucune représentation de quelqu'un des choses dans le ciel. Non, on essaie de verser l'image de Christ. C'est quand même le Christ, non? Dieu a déjà dit, tu ne te feras point devant toi une image de quoi? Taillée. Ni de représentation de quelque chose qui soit dans le ciel, sur la terre. Tu ne le feras point. Fin de citation. Alors, quand il a dit cela, il se réserve le droit de prendre notre cœur et notre esprit dans l'adoration de lui en esprit. Non, je prends seulement l'image. Cette image que nous mettons devant nous, ce n'est pas une image qu'on est en train d'adorer. Et Dieu lui appelle ça adoration. Parce que adoration, les gens croient que quand ils vont te mettre devant, tu vas te mettre devant lui une idole. Tu dis, je t'adore, que ça suppose que tu es en train d'adorer. Le simple fait que tu l'as consacré un temps comme un style religieux, à cet temps, c'est l'adoration. C'est-à-dire, je prends ce pot de fleurs-ci. Je lui voue un culte. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de particulier. Parce que ma foi, d'une façon ou d'une autre, y dépend. Vous êtes idolâtre. Non, nous n'adorons pas Marie. Nous le vénérons seulement. Change tes mots comme tu dis. Cette statue-là, c'est Marie. Non. Ok. Dieu a dit que même si c'était Marie, vous ne vous ferez point d'image. À cet instant-là, la verset biblique t'arrête. Donc, ça veut dire toute personne. Voilà pourquoi, donc, toutes ces choses qu'on fait sur la terre, donc c'est la religion. Ni des représentations. Donc, tu représentes n'importe quoi, tu ne dois pas le faire. Donc, si tu cherches n'importe quelle situation, n'importe quelle justification, dès le départ, Dieu se réserve le soin que ta foi est souillée. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Si on pouvait prendre le livre des prophètes, allons dans le livre des prophètes Esaïe, chapitre 26. Donc. Alors, on a ouvert un pied. Ah oui, heureusement. Comme mon frère sur le téléphone, là, il ne veut pas participer, il ne peut pas rentrer facilement. Un pied donc. Un pied. Chapitre 1. Regardez à partir du verset 3, vous y êtes? Maintenant, écoutez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par les... Oh mon Dieu, si on pouvait prendre seulement mot par mot et puis on travaille là-dessus, en allant dans différentes parties de la Bible. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans... Non, les plantes de Dieu disent non, avant qu'on ne parle dans les cieux, mange pour nous sur la terre ici. À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Entre temps, le voisin de discuter 2 mètres sur lui, on les amène en prison. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés pour le salut prêt à être révélé dans les dernières. Vous voyez qu'on est gardé par quoi? Non. D'autres maintenant disent que non. L'arbre, si qu'on a semé dans la cour. Souviens-toi que ça, c'est l'arbre qui nous protège. Ça, c'est les chrétiens. Que l'arrière-grand-père avait interdit qu'on ne coupe. Il faut qu'on respecte ça. C'est l'arbre-là qui veille sur nous. Puis il dit qu'il a la vie éternelle. Il a l'arbre traditionnel dans la cour. Non, le coude aussi. Il y a les génies là-bas. Le grand-père avait dit, même s'il n'est pas là, qu'on ne ferme pas. Il y a les génies là-bas. Dans la cour. Et on habite dans la maison. Et Dieu dit qu'on ne doit pas laisser ces choses. On ne doit pas habiter dans un milieu de ces choses qui ont les esprits. Il dit non, dans notre tradition, nous sommes dans les Ngondo. Donc, non, on vénère les eaux. Vous vénérez les eaux. Quand ça travaille dans votre veine, vous allez savoir que c'est le démon. Regardez ici, verset 5 encore. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, écoutez. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, soulignez puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Vous y êtes? Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par... Vous voyez, c'est que l'apôtre Paul, je crois, Jacques a dit de l'autre côté. La même chose qu'il a dit ici, n'est-ce pas? Il a encore utilisé le groupe de mots « diverses épreuves ». Il dit, je recommence encore, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant... » Ça veut dire que d'un côté, on est en joie du fait qu'on a quelque chose qui nous est réservé dans le ciel. Mais maintenant, en attendant, il y a une situation qui nous arrive. C'est ça qui fait la complexité de nous. Lorsqu'on amène la compréhension des doctrines de New Age dans la foi. Pendant qu'on a parlé de mélange, je crois qu'il faut qu'on en parle maintenant vraiment. Une fois ici, nous avons parlé de la révélation des fils. C'est-à-dire la création du temps, c'est Romains chapitre 8, verset 19, par rapport à la correction que nous y amenons. Cette fois, nous parlions de la révélation des fils. Et vous voyez ce que les gens en font maintenant. On dit, pour que la terre attend quoi? La révélation des fils. La terre attend le feu. En réalité. La terre attend le feu. Maintenant, ils disent, la révélation des fils, c'est qu'il faut que les gens entrent dans la politique, dans les sphères, le football et autres, pour influencer. Mais au-dessus de l'influence que nous avons aujourd'hui, le monde actuel est sous la puissance. Le monde est sous la puissance du mal. Donc au-dessus de ce monde, se trouve la puissance démoniaque. C'est-à-dire que si tout le monde entier maintenant est chrétien, Satan contrôle toujours la terre. Il dit, même s'il y a les enfants de Dieu dans chaque pays, si le président des États-Unis, de France, de tous les grands puissants, même le président chinois, même le président de Nord-Corée, Sud-Coréen, ils sont chrétiens, Satan va toujours les contrôler. C'est pas ce que c'est ici. Donc le problème, c'est que Daniel avait déjà prophétisé, il était prophétisé dans Daniel que le quatrième royaume, il y a 4 royaumes qui vont se passer sur la terre, du temps du quatrième roi. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Le Dieu de ce système, le royaume qui va les briser. Donc, les fils, c'est ce royaume dont il est question, dont il est. Ils sont des rois. Jésus est le roi de ces rois-là. C'est pas ce que vous comprenez. Ok, maintenant, regarde, notez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Le Saint-Esprit dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, que les chefs de ces siècles doivent être anéantis. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils avaient la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il dit cette sagesse-là n'est pas de ces siècles-ci, ni des chefs de ces siècles-ci qui vont être anéantis. C'est terrible. Je sais que, au moins, vous connaissez le psaume 2, n'est-ce pas, qui parle de ces rois et tous ces gens qui se liguent contre le Seigneur, contre son roi. Donc, ça veut dire que le royaume et le gouvernement-ci, tout ce qu'ils font. N'est-ce pas, si vous posez souvent les questions, quand vous voyez les entraînements, les gens s'entraînent partout, les différentes armées. On dit que la France vient entraîner l'armée camerounaise, entraîner l'armée gabonaise. Que, ok, la France qui est une puissance mondiale, donne une partie de son armée dans ce que vous appelez l'organisation de l'Atlantique Nord, ou le traité Nord, à l'OTAN. La Belgique donne une partie des soldats, les États-Unis donnent une partie des soldats, les soldats. Ok. Ils sont là. Ils veulent lutter contre qui? Je veux vous poser la question. Cette armée internationale, c'est pour lutter contre qui? Vous savez qu'ils vont rassembler les chefs militaires pour lutter contre Christ, non? Donc, c'est vrai, on dit que le gouvernement. De toute façon, regardez. Alors, lorsque vous entendez la révélation du Fils, ça ne veut pas dire que non, comment elle est influencée là-bas. Ce sont ces croyances qui ont amené que, vous voyez, quand on force quelqu'un d'aller faire quelque chose avec le mental, ils travaillent sur le mental des gens. La parole de Dieu ne travaille pas sur le mental, sur l'homme intérieur. Il ne s'agit pas ici de quoi? D'une certaine incrémentation psychologique pour amener quelqu'un à un certain niveau de croyance. Non, il s'agit de l'esprit vivant dans l'être humain pour le positionner comme Dieu avait voulu. C'est ça la vie chrétienne. Donc, oh non, vous êtes en haut, vous n'êtes pas en bas, vous êtes en haut, vous devez croire ça. Tant que cette parole, si tu n'arrives pas à la ressourcer, cette parole, tu ne peux pas être fils. Ce n'est pas la croyance de cette parole qui te fait fils. Tu es fils. Même si Jacob était abordé de sa maman, maman. C'est à cet endroit qu'il était choisi. C'est à cet endroit qu'il était choisi. C'était un fils stratégique. Il savait que ce qui est sacré, c'est ça qu'il faut avoir. Droit de naissance. Bam! Il frappe. Il est béni, mon frère. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est sa position de sacré. Ah non, non, si vous étiez là avec cette chair de bon, c'est qu'on devait mettre la main dans la politique. C'est quel fils nonchalant comme ça? Regarde-le là. Il est seulement derrière sa main, maman. Alors que l'autre sort, c'est le muscle. Il tue, maman, il nourrit ma famille. Il nourrit sa famille. Mais après, il a pleuré pour avoir ce qui était nécessaire, ce qui est spirituel. Il n'a plus jamais eu. Fils stratégique. Donc, le royaume remis au fils pour qu'on gouverne, ce n'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Dans Hébreux chapitre 2, chapitre 1, la Bible déclare que le royaume dont on dit que tout chose lui soit soumis, on ne voit même pas que tout chose lui soit encore soumis. D'accord? Dans ce royaume-là, ce n'est pas pour les anges. C'est pas le royaume, c'est pas aux anges qu'il a construit, c'est pour les chrétiens, frère. D'accord? Enfin, quand il va devenir dit que prendre la dimension, c'est divin, c'est pas Michael qui va dire. Mais ils vont nous aider au combat. On continue ici. On a lu dans Daniel tout à l'heure qu'en ces temps-là, se lèvera Michael, le chef et le défenseur de ton peuple, non? Les gars n'ont pas souffert, c'est nous. Oh. Regardez encore verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Vous voyez ça, le salut qui est prêt à être révélé. On est gardé par la foi. Gardé par la foi. Maintenant, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes unis puisqu'il le faut. Donc, ce qu'on va dire là, ça doit être. Et c'est nécessaire, absolument nécessaire. Puisqu'il le faut, vous soyez attestés pour un peu de temps par diverses épreuves. La phrase n'est pas encore terminée. Par diverses épreuves, afin que. Donc, les diverses épreuves là ont pour but. Souvenez-vous de Jacques chapitre 1. D'accord? Afin que l'épreuve de votre. Vous voyez que notre foi a des épreuves. Notre foi a des épreuves. Il vous a expliqué, c'est ça que nous voyons encore ce soir. Le but de ces épreuves, c'est de nous purifier de mélange. Il faut que la foi soit unique. Que cette foi-là est seulement le chef Jésus. On appelle le chef et le consommateur de notre foi. Et c'est sans cette foi-là qu'il est impossible d'être grave. Vous demandez à chaque chrétien, vous croyez en Dieu? Il dit oui. Croyez en Jésus? Il dit oui. Qu'est-ce qui ne marche pas? La nonchalance, c'est le mélange des traditions qu'on a mélangées avec notre foi. C'est pas sur celle-ci. Vous suivez, n'est-ce pas? La nonchalance qu'on mélange à notre croyance. Chez nous, moi, je pense que. Moi, je pense que, c'est pas moi, je pense que, c'est il est écrit. Il est écrit et la bonne foi. Moi, je pense que c'est la foi mélangée. Dieu a-t-il réellement dit, tu manges le pain? Il a vraiment dit ça. Tu penses que c'est vraiment ce qu'il voulait dire? Moi, il pense plutôt qu'il a peur que, vous voyez là, ça nous arrive, n'est-ce pas? Et ça a produit ce qu'on a produit aujourd'hui. Le mélange de notre foi produit la religion. Toute religion est issue de ce mélange. Toute religion est mélange, c'est ce mélange-ci, le mélange hybride. Et c'est pour ça que dans les messages mélange hybride, vous voyez par exemple, si vous prenez l'âne, vous prenez avec le cheval, ça peut produire un animal bien constituant. On appelle quoi? Le mulet. Essayez de lui demander de quitter la route. Vous allez savoir de quoi il est question. Plus bête que le dindon. À cet instant-là, il n'est ni cheval, ni âne. Mais quand vous le regardez bien, vous voyez un aspect de cheval, sans que ce soit totalement le cheval. Vous regardez bien, il a l'aspect de l'âne, sans que vous ne voyez pas totalement, on dit qu'il est quoi? Regardez la souris, on lui demande de le classer, il est parmi les oiseaux ou même parmi les animaux. Vous-même, regardez-le. Donc, les gens qui ont les foies de mélange, soit on peut les appeler, pour être plus romantique, âne. C'est ça, non? Non, mulet. Ou mieux encore, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le frère Yannick. Vous entendez comment il a dit ça, nos frères? C'est lui qui a dit. Donc, la foi de mélange, la foi mélangée, c'est les chauves-souris. Autrement dit, la chauve-souris, c'est le produit que produit la religion. Vous connaissez mon histoire qui raconte souvent des chauves-souris, non? Vous connaissez le roi des animaux, n'est-ce pas? Le roi des animaux, c'est qui? Le lion. Le roi des oiseaux, c'est qui? L'aigle. Donc, le roi des animaux est malade un jour, on demande les contributions aux animaux. On lui demande. Chacun vient faire la collecte par jour. On part chez l'éléphant. L'éléphant donne sa part de collecte. On part chez tout le monde. On part, on toque chez chauve-souris. On est con. Il dit oui. Il dit c'est quoi? On dit que le lion est malade. On cherche l'argent pour aller à la même hôpital. Il dit vous êtes fou. Vous avez vu un animal qui a les ailes? C'est là où les gens ont regardé comme ça. Le comité d'organisation qu'on avait amené là-bas, on a regardé. On a vu que non, vrai, il avait les ailes. On a regardé parmi tous les animaux. Il n'y a pas les ailes. On dit, vrai, on a fait les restes, c'est un oiseau. Il dit qu'il ferme la porte, il dit qu'il est un bouddon fort. Un jour maintenant, c'est l'aigle aussi qui tombe malade. L'aigle tombe malade. On dit, con. Les oiseaux, on a amené le coq, con, qui est ici? Chacun donne l'argent, on arrive chez eux, con. Oui, madame, il dit oui. Vous voulez quoi? Il dit que l'aigle est malade, on va l'amener à l'hôpital. Il dit, vous êtes fou. Vous avez vu un oiseau avec les dents. Et vous ne voyez pas qu'il y ait les dents. Maintenant, quand il y avait, vous savez qu'il y a toujours les relations sud-sud, nord-sud. Quand il y avait une relation maintenant où les deux les communautés devaient se réunir, les deux rois ont décidé maintenant dans leur royaume que chacun se réunit en son espèce. Le chauve-souris maintenant a vu maintenant qu'il ne peut ni être ni dans le camp des animaux, ni dans le camp des oiseaux. Les oiseaux volent la nuit, frère. Il a décidé maintenant que, ok, comme il n'est ni dans l'un ni dans l'autre, c'est pour ça qu'il vole lui, la nuit. C'est pour ça que depuis ce jour-là qu'il a commencé à dormir dehors la nuit. Quand tout le monde dort, les animaux sont dormis dans la forêt, là où il est dehors. Tchoua. Quand votre foi n'est pas droit, c'est comme ça. Ni dans un camp, ni dans un autre. Vous voyez, quelqu'un vous appelle. Il dit, frère, non, la situation est tellement dure où j'étais obligé de rentrer chez les marabouts. Ma chère, tu aimes le Seigneur? Oui. Tu crois en lui? Oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si tu connais le Seigneur, tu sais que la Bible dit que qu'on ne s'approche pas de ceux qui évoquent les esprits. Que ceux, ils servent le diable. Et tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au, que c'était tellement Dieu que tu t'es obligé d'aller chez Satan pour prendre sa guérison. Ça n'a pas de... Ça, c'est une chauve-souris. La foi des mélanges, c'est le type du mulet ou bien vous appelez ça les chauves-souris. Quelqu'un qui n'est ni dans un camp, ni dans un autre. Mais on peut voir quand même certains aspects. Déjà, l'aspect de la foi, c'est quoi? Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique complet. Si vous comprenez. Donc ça veut dire que quand il est là comme ça avec vous, il parle le langage de la Bible. Quand il avait sa grand-mère, son père, et autres, on parle de tout du village là-bas. Tradition, peut-être c'est mieux le remplaçant, mais le grand-père. Donc en même temps, il est ici. Après, ils disent que non, chaque chose a son temps. Ici, c'est comme ça le verset biblique. On a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais le corps n'est pas pour l'idolâtrie. Vous voyez cela? Le corps n'est pas pour l'idolâtrie. C'est pour le Seigneur. Donc, il n'y a pas un temps pour le corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, donc, le verset 19 à 20. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Par cette parole, Dieu se réserve le droit de vie et de mort sur tout ton être. Amen. Dans les trois dimensions. Donc, on n'a pas fait cela n'importe quoi. On ne peut pas faire. On ne doit pas faire de cela n'importe quoi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. On a des problèmes. Il faut que notre foi soit nettoyée. Et donc, ce livre de pièces, il dit que, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez quoi? Attristé. Parce que les diverses épreuves, quand les épreuves, ça ne me fait pas rire. Quand tu salues quelqu'un, bonjour mon frère, tu entends tube d'abord. Tube. Le nombre de tube, c'est la durée des épreuves. Vous êtes devant une épreuve de philosophie, on dit 4 heures. On dit que la raison est la religion. C'est toi ce qui est devant. Même si tu regardes l'idée de quelqu'un, tu vas faire quoi de cela? C'est toi ce qui est là-bas. On dit que ça va, tu dis tchoum. Tu vas dire tchoum. Il va falloir que tu écrives. Parce que la note attend. Pas vrai? L'épreuve de notre foi. Cette épreuve-là, c'est pour tester si vous avez eu à comprendre ce qu'il en est. On va séparer de votre intelligence, séparer de votre cerveau que non. Ce que tu écris là, c'est zéro. Quand vous écrivez des bêtises, le professeur donne toutes les feuilles. Après, fais comme ça, regardez votre feuille. Pour que tu reclames, tu reclames. Ah, c'est toi qui as écrit ça. Hein. Il prend maintenant. Il te bavarde des choses. Pour que tu comprends que tu n'as pas fait ça. La prochaine fois, tu prends la chose au sérieux. Les épreuves de notre foi. Il dit plus qu'il le faut. Continuons. Verset 6 encore, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable. Écoutez bien encore, je veux toujours votre attention. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le, est pour résultat. Donc on peut lire, afin que l'épreuve de votre foi est pour résultat. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Regardez, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, il y a une virgule. Je lis après la parenthèse, là où il y a le feu. Vous y êtes? Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc les épreuves auxquelles nous passons, les diverses épreuves auxquelles nous traversons, ici sont magnifiées et données à l'exemple de l'or qui est périssable et qui cependant passe par le feu. On dit que le but de cela, c'est que nous passons par les épreuves afin que notre foi ait l'approbation du Seigneur jusqu'à ce qu'il viendra. Amen. Vous y êtes? Est son approbation, puisqu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, ça veut dire que notre foi doit lui être agréable. Toute foi qui n'est pas rattachée aux Saintes Écritures et conforme aux Saintes Écritures ne peut pas être agréable au Seigneur. Toute foi. Pas toute foi. Toute foi. Ou mieux encore, si notre foi n'est pas rattachée et trouve son socle dans les Saintes Écritures, ça ne peut pas être agréable au Seigneur. Et la foi dont la Bible parle, et la foi dont je parle ici, il ne s'agit pas de la foi intrinsèque que vous possédez, ni la foi en votre foi. Il n'est pas question de la foi en la foi, ni la foi en votre compétence, ni la foi en votre capacité, mais la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me saisissez. J'ai la force de frappe, je connais moi-même ma force de frappe. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est Christ en nous faisant l'œuvre, la confiance et reposant en lui. C'est Christ en nous faisant l'œuvre, notre confiance donc se reposant sur lui. Alors, toute foi, si notre foi n'est pas épurée, nettoyée, nous vivons dans la religion. Les religions sont non nées de tout ceci. Maintenant, prenons un exemple. Vous voyez cela dans les Saintes Écritures. On y va. Lorsque les peuples juifs, le peuple d'Israël sont arrivés au désert, la magnificence du nom de Moïse posait problème à un groupuscule orchestré par Corée. Le nom de Moïse énervait. Le fait que Dieu utilisait Moïse, ça les énervait. Au point où il a commencé à faire sa sortie de prédication à lui-même. Le peuple d'Israël n'est-il pas un peuple saint? Frère, il avait. Donc, toute religion est fondée sur un verset. Toute religion, c'est fondée sur un verset. Il avait fondamentalement raison que tout le peuple d'Israël est saint. Donc, il avait raison. On ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qui a dominé sur le peuple? Moïse ne dominait pas sur le peuple, Dieu dominait sur son peuple. Vous voyez? Moïse était un canal par lequel Dieu s'exprimait. Il avait choisi ce canal. Un type de Christ. Maintenant, il se tient là Corée, Dathan et son frère se trouvent là-bas. Ils disent Moïse s'élève au-dessus du peuple. C'est Moïse qui a décidé d'aller en Égypte. À cet instant qu'il a fait cette réunion-là, il était mort devant Dieu. Il a érigé sa part de religion, que la Bible appelle la révolte de Corée. C'est-à-dire que le symbole de toute personne qui s'oppose à ce que Dieu fait par jalousie. C'est pas ce que vous comprenez. Chaque personne a une grâce. Même dans la même famille, il a choisi Moïse. Moïse ne pouvait pas faire le rôle d'Aaron. Et il savait quelle était sa place. Aaron ne pouvait pas faire le rôle de Moïse. Il savait qu'il était sa place. Ça a fait le temps que le jour où sa grande sœur, la grande sœur de Moïse, qui a usé de la sagesse quand elle était petite pour qu'on puisse prendre Moïse pour aller nourrir, donner le lait. Ça, c'est la chair. Parce que c'est sur le conduit du Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de l'œuvre spirituelle, Dieu est intransigeant. Elle a parlé contre la femme éthiopienne que Moïse avait pris. Vous voyez là, si on n'a pas de relation, là où ça peut nous conduire. Le législateur, il dit qu'il est législateur, il ne peut pas prendre une éthiopienne. Alors qu'il dit que tu n'as pas d'épouser une femme pure. Il ne savait pas que c'était Christ, s'est marié avec les païens. Amen. Il ne peut pas savoir cela, pas vrai? Alors, lorsqu'elle a fait ça, Dieu dit, allez dans les tentes. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé, frère? La lèpre. Moïse a intercédé, ça a changé. Moïse a intercédé pour tout le peuple, Dieu ne les a pas détruits pour elle là. Dieu a dit que laisse-la tranquille, elle doit se rester que là. La bavure montre qu'on ne parle pas. Ce n'est pas contre Moïse qu'elle avait parlé. On peut avancer. Matthieu chapitre 22, si vous notez Matthieu chapitre 22, j'arrive. Matthieu chapitre 22 et chapitre 23. Notez seulement, il va expliquer. Vous lisez une intercation entre le Seigneur Jésus-Christ et des groupes de religions. Premier groupe, les pharisiens viennent, ils le bombardent avec des questions. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Maître, quel est le plus grand commandant pour le tester? Faut-il payer des tributs à César? Vous voyez toutes les questions qu'on lui pose. C'est pour chercher quoi? Une faille pour pouvoir l'accuser. Est-ce qu'on doit venir vers quelqu'un pour essayer de le crucifier? Pour essayer de le faire couler? Pour le coincer? Non. Ils sont positionnés devant le Seigneur Jésus. Les pharisiens sont venus poser des questions. Jésus a répondu. La Bible déclare que les Sadducéens, ayant entendu qu'il avait résolu, les pharisiens en silence sont venus. Ils ont dit que maître, ils ont posé des questions. Maintenant, Jésus va poser des questions aux pharisiens, à eux, quand ils sont réunis. De qui le Messie est-il fils? Toutes les doctrines, ils avaient lu toute la Bible. Toutes les doctrines sont arrivées par là-bas. Parce que c'était un peu ici, un peu par là. Ce n'était pas la totalité de l'Écriture. Si tu leur poses la question, s'il y a les anges, les pharisiens ont été prouvés par A plus B, ça devait poser des discussions avec les sadducéens. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je voulais vous montrer que toutes ces personnes-là croyaient. Mais leurs croyances n'étaient pas passées par le feu de la parole. Parce que chacun prenait une option, ajoutait d'autres là-dessus. Et c'est ça quand l'église était naissante. Quand ils ont voulu injecter ça dans l'église, vous avez vu ce qui se passe dans Actes chapitre 15. On a arrêté ça net et clair. La foi en Christ ne doit pas avoir le mélange avec les œuvres. Vous voyez cela? Les œuvres de la loi sont exclues de la foi en Jésus. Les œuvres de la loi sont exclues de la foi en Jésus. On est sauvé par la foi en Jésus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça a été traité très tôt pour montrer que cette foi-là ne doit pas être mélangée. Et au Galates, au chapitre 2 de Galates, dans le chapitre 3, il dit que est-ce par la prédication de la foi que vous avez que l'Esprit agit au milieu de vous, ou bien c'est par l'observance de cette loi-là. Vous voyez, après ça va commencer par l'Esprit. Vous voulez maintenant achever par la chair? On voulait amener encore le ménage d'abord. Il dit que celui qui produit cette influence en vous, quel que soit, en portera la peine. Parce que ça ne peut pas être mélangé. C'est parce que c'est ici, frère. Alors il a dit aux Sadducéens, quand ils ont posé la question sur le mariage, cette femme qui est morte, qui a marié cet homme et que les hommes sont morts finalement. Ils ont posé la question à Jésus. À la résurrection donc, ça veut dire que leur foi ne croyait pas là. En résurrection. Leur foi, leur style de croyance, leur interdisait de croire en la résurrection. Et d'où est venu? Parce qu'ils ont une doctrine qu'eux-mêmes se sont fixée pour montrer le non-sens d'avoir cru à la résurrection. Il dit, il y avait une femme qui était mariée avec un homme et que cet homme-là est mort en connaissant la femme, mais n'a pas d'enfant. Et d'après la loi de Moïse, vous voyez, à cet instant, ils sont partis où? Dans la loi de Moïse. Or, la Bible dit clair que c'est un ange qui parlait à Moïse dans le feu. Pas vrai? Mais quand cet ange est venu parler à Moïse, Moïse n'a jamais vu Abraham. Pas vrai, frère? Il n'a jamais vu Isaac. Il n'a jamais vu. L'ange est tenu là-bas. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils savent que c'est écrit comme ça. Il ne se pose pas la question pourquoi Dieu vient longtemps après que ces trois-là, il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne savait pas ce que cette appellation voulait dire. Mais peut-être pas seulement là, en endroit, il a dit que si quelqu'un meurt, on va prendre pour relever le tribut. Il dit qu'il y avait cette femme-là. Cette femme a pris c'est les sept hommes qui étaient des frères. Après, il dit, ok. Après, il forme cette table-là. Si donc, il y a la résurrection, à la résurrection, donc, la femme sera là-haut. La femme-là, qui va, elle sera la femme de qui? Puisque tout l'homme connaît sur la terre. Vous voyez que dans les écoles humaines d'intelligence, les intelligents de l'homme vont seulement s'entrechoquer ici. Ça veut dire que quand ils avaient ce débat-ci avec les pharisiens, parce que les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection. Pas vrai? Croient aux esprits, croient aux anges. Avec toute votre attention. Pourtant, les sadducéens ne croient pas ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection. Et par conséquent, lorsque les pharisiens et les sadducéens se touchaient, quand tu disais que tu étais pharisien, subitement, le sadducéen savait quelle était ta doctrine. Quand un pharisien, vous avez vu dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul va se tenir devant l'assemblée, voyant que le Sanhédrin était composé en partie des sadducéens, en partie des. Il dit, frère, c'est à cause de la résurrection, la première résurrection. Quand les autres ont dit résurrection, donc, ça dit qu'il est encore pharisien. Ce n'est pas les pharisiens qui sont à la source de la doctrine de la croyance à la résurrection. Donc ici, de réserver le droit d'utiliser ça parce qu'il sait que de la Bible parle de la résurrection. Ça a engagé un vif débat là-bas que merde, si c'est pour ça, la résurrection, oui. Mais si c'est tourné vers les pharisiens, il dit c'est la résurrection de Jésus que vous avez crucifié, ça va encore causer problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Ça veut dire que les raisonnements humains amenés à la foi en Christ apportent toutes les religions dont sont basées sur les erreurs. Toutes, sans exception. Toutes les religions. Et le vrai problème, c'est que les religions sont basées sur les erreurs logiques sur le plan humain. C'est logique. Les religions sont basées sur les erreurs. Et ces erreurs sont logiques sur le plan humain. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont conçues dans le fond des ténèbres, révélées aux êtres humains par des esprits. Comme ce sont des esprits d'erreur, ils révèlent l'erreur pour baser la religion d'erreur. Mais la vérité vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne construit pas l'erreur. Il ne construit donc pas la religion. Le Saint-Esprit construit la relation. La religion construit l'erreur. Non, c'est la base. La base, c'est l'erreur. Il construit la prison. Vous riez. La religion est plus dangereuse que les prisons de Kondegiri Nubel. Parce qu'au moins dans la prison, là, tu peux réfléchir comme ça, le Saint-Esprit te parle. Ici, à l'intérieur, on t'embrouille avec les programmes au point où tu crois que tu es vivant alors que tu es mort. C'est pas ce que c'est, frère. Écoutez encore ce que je viens de dire. La religion, toutes les religions, nommez-les, toutes les religions sans exception sont basées sur l'erreur. Parce que ça part d'une inspiration démoniaque qui octroie à un esprit humain le droit d'un verset biblique qui pourra conduire même les plans de Dieu et se suppier dans une entreprise d'erreur pour enchaîner les êtres humains dans la prison. Mais le Saint-Esprit donne la vérité. La vérité donc libère de l'esprit de l'erreur afin de créer une relation avec le Père. C'est le rôle du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous saisissez. Okay. Lorsque les gens sortent donc dans la prison, maintenant, vous comprenez ce que Jésus n'appelait pas prison, n'est-ce pas? Ça dit quoi? La religion, comme ils sont habitués à l'esprit d'erreur, voudront donc amener la condition et les conditions de cette prison-là à l'intérieur de la relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, par exemple, frère de l'ancien, tiens-toi ici en plein au milieu. Tiens-toi là, je vous montre quelque chose. Frère, lève-toi aussi. Garçon, lève-toi. Voici la religion. On va prendre une. Non, chacun se tient seulement là où il était. C'est le frère de la sœur qui se tient là-bas. Non, frère de la sœur, tiens-toi là-bas. Cette scène écriture-ci est venue renverser le mur de séparation, ce qui crée problème à l'obstacle entre l'homme et Dieu. N'est-ce pas? De telle sorte que l'homme puisse avoir accès par Christ Jésus auprès du Père. C'est-à-dire que la relation est rétablie. Donc Christ, par sa mort, a établi la relation. Le Saint-Esprit donc vient pour expliquer et profiner, souder cette relation-là. D'accord? Le frère Donatien, c'est Dieu. Le frère Donatien, c'est Dieu. Il admet qu'il n'admet pas. Il est Dieu dans notre représentation. Il a écrit sa Bible, qu'on voit ça devant lui avec son Bible comme l'écrivain. Il l'envoie sur la terre. Vous voyez cela, frère? Ouvrez la Bible, on va vous montrer quelque chose. Ouvrez la Bible. Lui n'a pas besoin d'ouvrir parce que c'est lui qui a écrit ça. Ouvrez Hébreu. Il a ça en main. Ouvrez Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Vous avez ouvert. Regardez le verset 16 du chapitre 4 d'Hébreu. Je vais lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà ce que Donatien a écrit dans sa parole. Il donne le renseignement sur la terre que si on a besoin, on a besoin de quelque chose. Le trône sur lequel il est assis, attends, frère Donatien. Comment on peut mettre Dieu debout? Ah, le trône. D'accord? Frère Donatien, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures? Avec assurance. Lève-toi, ma soeur. Non, non, tu vas où? Reste ici, ma soeur. Ici, c'est Sainte Marie. Mère de... Voilà. Voilà. Et donc, cette personne-là qui a écrit sa Bible a dit qu'on s'approche comment? Je sors de vous montrer ces choses pour vous comprendre comment c'est dangereux sur la terre. Mais ce sont des choses logiques. Vous allez voir, la logique est basée sur l'erreur. Maintenant, cette personne s'est écrit dans sa Bible à plusieurs endroits. Dans un autre endroit, on dit par Jésus, par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. On a accès auprès du Père par le même esprit. Et ici, il a érigé ça en disant, approchons-nous du trône de la grâce. Donc, de ce trône-là coule la grâce. On va prendre qui a porté la soutane ici, qui est comme un prêtre. Ah, qui va jouer le rôle de prêtre ici. Qui a été catholique, qui était un fervent catholique ici. Bon, voici ce frère-ci a des problèmes. Ne connaissant pas que c'est écrit comme ça. Il peut voir un prêtre. Le prêtre lui dit qu'il faut réciter 400 rosaires, 150 litanies, même si c'est la même chose. Tu fais les neuvaines. Tu fais les neuvaines de Saint-Barthélemy. Pour Saint Joseph, parce que comme tu prononces cette famille là, c'est Joseph qui est la paternité de la famille. Donc pendant que tu fais ton événement comme ça, l'esprit de Joseph va venir ensemble pour arranger ta famille. Ouais, le frère, il est venu voir un prêtre pour lui demander ce qu'il faut faire. Si il a raison, parce que les prêtres et les pasteurs sont envoyés normalement pour connecter les gens à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs, comme si Dieu réconciliait les gens par nous. Soyez réconciliés à Dieu. Donc les ambassadeurs viennent pour réconcilier les gens à pour prêcher le ministère de cette réconciliation, le message de réconciliation. D'accord? Cette personne, s'il vient maintenant, ne connaissant pas ce qui est écrit là-bas, on lui donne que tu vas lire le psaume tel. Tu jeûnes et tu fais la pénitence. Si tu ne fais pas la pénitence, viens payer. On a les gens qui font la pénitence ici. Le but pour lequel il a des problèmes, il veut obtenir la grâce de Dieu. Mais celui-là, le Dieu-là a écrit sa constitution et c'est écrit ici dedans. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui concerne le salut? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Après un de ces jours, il fait comme ça, ça ne marche pas, il ne marche pas. Après, rien que tu dis au prêtre que ne s'en est pas allé, il dit, ah, j'avais oublié de t'ajouter. Il faut, tu avais prié, je vous salue Marie combien de fois? Il dit 150 fois, il dit, maintenant fais encore ça 150 fois. Quand il s'est posté devant qui? Devant Marie, voici Marie, mère de Dieu, Sainte Marie, mère de Dieu. Il dit, Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous pour pécher, car maintenant à l'heure de notre mort, amen. On a dit là-bas qu'il s'approche du trône de grâce pour obtenir dans ses besoins. Tout ce qu'il récite là, il a parlé de ses besoins. Hein? Il va réciter Sainte Marie combien de fois? 150 fois. Celui-ci ici, il observe comme il est Dieu, il observe. Il est forcément l'embrouille sur la terre. Il est étonné parce qu'il a donné sa Bible. Il n'a pas envoyé le prêtre. Quelque chose se passe maintenant avec ses litanies. C'est ici donc que se trouve donc l'esprit de religion. En quoi est-ce que cette personne-ci doit adresser la prière à cette autre personnalité qu'on appelle Sainte Marie? Quelle est la base? On rentre maintenant dans les Saintes Écritures. Au noce de Cana, le vin a manqué. Et la mère a dit que faites ce que tout ce qu'il va vous dire. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? À partir de là, elle est la doctrine de si c'est compliqué pour aller là-bas. Directement chez le Père. Passez, parce que le Père, lui, il est un feu dévorant. Donc tu pars par là-bas, ça va te brûler. Pas vers la mère. La mère va le frater le fils. Le fils va parler au Père. Le Père va donner celui-là. Pointe quelqu'un. dit cet esprit catholique, il faut que tu en sois délivré. Parce que les Saintes Écritures disent qu'on a accès auprès du trône de la... Depuis que Christ est allé à la croix, par son esprit, nous avons accès directement auprès du Père. Mais vous voyez que l'erreur, et c'est ça que les Écritures... Vous prenez n'importe quelle religion, que ce soit témoin de Jéhovah, vous dites, pourquoi vous appelez témoin de Jéhovah? Il dit, Ésaïe chapitre 43, verset 10, dit que vous êtes mes témoins. Frère, c'est à quoi? À toi qui t'avais dit? Non. Voilà là où la doctrine part et tous les autres doctrines. Vous dites que celui-ci... Vous sortez d'où avec Sainte-Marie? Il dit avant de commencer, Jésus avait dit tu es pierre, sur ce pied, il bâtirait mon église. Donc, l'église était bâtie sur pierre. Vous voyez les erreurs, n'est-ce pas, frère? Toutes les religions sont bâties sur les erreurs. Et donc, ces gens, c'est ça, du Saint dont je parle dans Matthieu chapitre 22. Jésus a dit que vous êtes dans l'erreur. Donc, ils ont construit leur religion sur l'erreur. Le vrai problème, c'est que quand Jésus vient sur la terre, ce n'est pas le premier groupe. Jésus, avant qu'il ne vienne sur la terre, ils étaient déjà là. Ils ont enseigné les gens. Les gens sont morts dans l'erreur, guidé par l'esprit, croyant fermement qu'il croyait, alors qu'il croyait à l'esprit de l'erreur. Maintenant, si on voit cette personne-ci, la correction de ceci, c'est qu'elle ne doit plus, il ne doit plus adresser sa prière à Sainte-Marie, parce qu'elle-même, Sainte-Marie, c'est pas une grâce. Or, on a dit que c'est du trône de la grâce qu'il doit s'approcher. Mais l'esprit de l'erreur dit que c'est en elle que se trouvent toutes les grâces. Elle est même pleine de grâces. C'est pour ça qu'il faut lui apporter les prières. C'est pas biblique. Parce qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est qui? Jésus. Homme. C'est lui seul qui joue la médiation. Donc, c'est lui qui a joué la médiation. Il a établi la relation. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ, la relation entre l'homme et Dieu a été établie, réétablie. Vous voyez, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Maintenant, celui-ci, maintenant, c'est un pentecôtiste. Quand il prie, ça ne vient pas. Il envoie le feu même sur la main de Dieu. Il envoie le feu sur les anges. Il envoie le feu, comment même l'ange que l'ange sort. Vous voyez que dans sa foi, il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut ajuster et réajuster sa prière. D'où est-ce que c'est venu? Parce que quelqu'un est sorti un livre, il a dit que quand on prie, il y a les gens qui brûlent notre prière, il faut envoyer le feu. Commandez-moi l'ange Michel pour que l'ange Michel descende pour lutter contre eux. Vous allez dans les Saintes Écritures où effectivement que la Bible interdit aux gens d'adresser, se tourner vers les gens, vous appelez les dieux, le soleil et la lune et leur rendre un culte. C'est pas ce que vous comprenez. On a une relation avec le Seigneur, lui seul, depuis que Christ est allé à la croix. Vous comprenez? Merci à tous les acteurs. Que Dieu vous bénisse. Laisse Dieu, pour moi, il faut encore. Alors, c'est comme ça que dans les religions sont basées. Vous prenez religion après religion. Religion après religion. Vous prenez les Adventistes septième jour. Ils vont vous donner une série de versets qui montrent que les réunions étaient se réunissaient le jour du sabbat. Vous comprenez cela? Ils vont vous sortir avec même des erreurs historiques. Pour montrer que c'est le pape tel qui avait érigé que les adorations des hommes c'est dimanche. Vous allez dans la Bible, l'esprit de vérité se tient là et dit l'heure vient où ce n'est ni là-bas qu'on allez adorer. Dieu est esprit. Le jour c'est un esprit. Vous voyez, on a des problèmes, pas vrai? Alors l'esprit de vérité a déjà dit que l'adoration c'est un esprit, donc c'est pas physique. À cet instant, toute la doctrine des témoins à partir du septième jour ça tombe dans l'eau. Prenez comme ça religion après religion, religion après religion. Vous allez dans les Saintes Écritures. La vérité ne peut pas détruire la vérité. Parce que les Saintes Écritures confirment la relation établie par Christ Jésus. Donc, ça veut dire que vous allez dans les Saintes Écritures de la bonne façon. Le Saint-Esprit va nettoyer encore votre cœur pour bien profiler la relation avec le Seigneur. Alors, le Saint-Esprit établit la relation avec le Seigneur. L'Esprit de vérité construit la religion en vous. Vous donne l'erreur pour mettre en prison. Le Saint-Esprit, donc, c'est le bras tendu de Dieu pour connecter les gens à lui. Alors que la religion, l'esprit du mensonge, c'est les menottes. Il faut que ça soit corrigé. Tu es chrétien d'où? Où est la personne se trouve, n'est-ce pas? Tu es chrétien de quelle dénomination? De quelle obédience? Non, quand tu es compliqué, on dit que tu persévères où? Quand ça a dépassé les gens, ils disent que maintenant, nous sommes l'église de Jérusalem. Et quoi qu'en appelant Jérusalem, ça va être le lieu où Dieu a décidé pour réaliser son nom. Pas vrai? Non. Nous sommes l'église céleste. Comme c'est l'église céleste, que ça fait quoi sur la terre? Nous sommes la vraie église de Dieu. Vraie église de Dieu. Non, dans ce cas, voici notre règlement. Dans la vraie église de Dieu, a deux règlements intérieurs, la Bible et un règlement intérieur intérieur par les hommes. On a des problèmes, frère. On a des problèmes. L'esprit de l'erreur. Alors, notre foi doit être corrigée. Le mélange doit se... Vous devez faire donc place entre ce que vous avez reçu, comme la Bible, mon grand frère l'appelle, les 20 manières de vivre. Vous avez vécu n'importe où. Vérifiez que ce que vous avez hérité là-bas, vous ne trimballez pas ça en vous comme des casseroles pour entraîner dans le corps de Christ. Vous faites ça, ce sera mal pour vous. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques dit que les diverses épreuves sont là justement pour nous épurer de cela, nous nettoyer de cela. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des problèmes, pas vrai? Jésus leur a posé la question. Vous pensez que David, lui, il est issu de qui? Non, c'est le fils de Judas. Le Messie, c'est le fils de David. Dans ce cas, comment David, lui-même, animé de l'Esprit, l'appelle Seigneur, s'il est son fils? Cet instant, la Bible de quelques personnes n'ose plus lui poser des questions parce que la religion avait limité là-bas. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Frère, c'est terrible. La religion ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça, c'est clair. Parce que tu comprends l'Écriture, tu laisses l'Écriture te gouverner. Tu comprends la puissance de Dieu, tu comprends que c'est lui qui gouverne. Alors, toute religion est hors de ces deux portées. Regardez bien tout attentivement, c'est que c'est l'esprit d'erreur, mais logique. Vous devez admettre cela. Parce que si quelqu'un se tient là-bas, il est envoyé de Satan. Même ses disciples les plus ardus vont dire, envoyé de qui? Satan. Ils vont partir. Même un sataniste, s'il ouvre l'église là-bas, il dit, église de Satan. Même les marabouts ne viendront pas. Le marabout va dire que non, non, non, non, non, chapeau. Non, non, non, non, il a exagéré. Mais le marabout, c'est qui? Mais il ne veut pas religieux à Satan qu'on expose comme ça. Il n'aime pas quand Satan est trop exposé comme ça. C'est pour ça que vous voyez chez le marabout, il dit que lui aussi les sommes. Hein, parce qu'il sait intérieurement que la personne qui inspire le somme, c'est Dieu. C'est pas ce que vous saisissez. Il faut donc que la chose qui est bonne. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de contrefaçon sur ce qui est faux. On fait la contrefaçon sur ce qui est vrai. Vous prenez des habits chers ou bien des grandes marques, Yves Saint Laurent ou n'importe quel style, vous aimez les chaussures que vous avez là-bas. Les gens font les marques à partir de ça parce que les gens sont. Cette marque-ci est connue, ça a de l'authenticité, c'est prisé. Comme c'est prisé, donc on utilise le fait que cette marque-là est prisée pour faire ce qui est contrefaçon. Vous comprenez? Essayez de fabriquer, je vous mettez une cuir, si quelqu'un va vous reconnaître au marché, quelqu'un va vous acheter ça. La même chaussure, enlevez cela. C'est pour ça que vous voyez, vous allez en France, il y a un endroit là-bas. Ça s'appelait Primark, je crois que Primark. Il y a des tas de chaussures où les gens sont là. Vous regardez les chaussures, même les ceintures, même les habits. On fait ça mettre des marques. Les personnes fabriquent ces groupes de choses, ils viennent déposer là-bas à l'intérieur. Il y a des gens qui sont censés mettre les marques là-dessus. Vous venez là-bas, on dit ça, ceci c'est 2000 francs. Prenons un exemple, 2000 francs ici. Vous dites, comme il n'y a pas de marques, ça n'achète pas. Les gens qui ont ces marques-là viennent acheter ça là-bas, ils mettent leurs marques. Tu quittes, tu fuis ici. Tu pars là-bas, on dit que 25 000, tu dis, j'achète. Le même tissu que tu as fui ici, tu achètes là-bas 25 000. Parce qu'on a mis une marque là-dessus. C'est donc pour cela que les gens utilisent donc cela pour usurper. La religion donc est une tentative d'usurpation de la vérité. Parce qu'ils utilisent les choses de la vérité, les clauses de la vérité. Catholique, vous prenez n'importe qui, il aura une base biblique. Toutes les religions et les hérésies sortent de la Bible. Toutes. Même les musulmans, pour s'authentifier, ils s'appuient sur la Bible. Il dit que non, nous croyons à tous les prophètes qui ont été avant toi, Moïse ou autre. En dehors de Moïse, qui parle de Moïse avant le Coran? Qui parle de Jésus avant le Coran? La Bible, il faut qu'il s'appuie. Donc nous avons les prophètes, tous les prophètes, Moïse, Élie, Abraham et autres là-bas. Il faut qu'ils parlent d'abord pour la Bible, pour que les gens puissent comprendre que non, eux aussi sont vrais. Il faut qu'ils tirent leur authenticité. C'est une tentative erronée. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est en cela que consiste dans les religions. Toutes donc les religions sont basées sur l'erreur, interprétées malencontreusement avec la logique humaine. C'est-à-dire que ces erreurs sont logiques. On ne voit pas que c'est logique. Vous-même, quand vous faites, vous qui avez fait l'église catholique, on ne vous a pas dit de façon logique que quand la maman demande quelque chose à son fils ne peut pas le refuser. C'est logique, pas vrai, frère? Pointe quelqu'un. Dis qu'au ciel, il n'y a pas de père et de mère. Il y a des sœurs. Et le Créateur. Voilà. Donc Marie est pleine de grâce. Il va dire à Dieu que non. Tu es trop dur avec le petit là sur la terre. Donne-lui ce qu'il demande. Que immaculé, que depuis 13 siècles, on a prié. On a prié le cœur brûlé de Marie. Il a dit que récite le rosaire. Récite le cœur immaculé de mon fils. Que mon fils pleure, il saigne. Donc Jésus, encore, il arrête son, Jésus arrête son cœur au ciel comme ça. Que, il ne comprend pas sur la terre. Vous êtes fous, c'est moi sur la terre, si il vous dit. Oh, les raisonnements sont logiques. C'est logique. Prenez pour les catholiques, prenez pour les témoins de Jéhovah, c'est logique. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.